Est-ce qu'on est bon? Alors, bah, on est écœurant. Hein? C'est notre spécial. Oui, spécial qu'on planifie depuis longtemps. Oui, Popeye à l'Atari, au NES. Un jeu, après ça, c'est fini. Bonne nuit. Non, c'est ça, on couvre Double Dragon, la franchise Double Dragon. Dans le fond, ça coïncide avec la sortie récente de Double Dragon Néon. Oui, absolument. Fait que là, on va faire un spécial Double Dragon. Puis c'est vraiment... dans le fond, ça serait comme une pièce d'histoire pour vous autres, une archive pour vous autres. Vraiment, pour avoir la version optimale de ce spécial, il faut télécharger sur iTunes. Oui, absolument. Parce que toutes les images, à chaque fois qu'on va couvrir un jeu, il y a des images qui apparaissent dans votre iTunes ou dans la version M4A. Oui. Et puis, la première image est toujours la pochette du jeu. Puis après ça, des images de gameplay, dans le fond. Exact. Et puis... Et en plus de ça, portez une attention particulière à la musique. Vous savez que Rétro Nouveau, nous autres, la musique, c'est super important. Oui. Fait que chaque bloc qui parle du jeu, il va avoir aussi la musique qui est associée à ce jeu-là. Donc, soyez attentifs. On va jouer des tunes entre les jeux et puis pendant nos propos sur chaque jeu. Et qu'on livre du bon matériel. Hey man, c'est professionnel, ça n'a pas d'allure. Hey, j'aimerais tellement ça, pas être moi, pour pouvoir nous découvrir présentement. Là. Mais ça, vraiment du plaisir. C'est donc plat d'être toi. Ah oui, c'est ça. Puis c'est drôle, en même temps, tu sais, la série Double Dragon, on aime tout ça. Oui. Mais tu sais, c'est pas ma grande série tant que ça non plus. Mais c'est comme la... Je sais pas, c'est comme du Jack Daniel. Ouais. C'est pas genre le meilleur des whiskies, mais tu sais, c'est un bon whisky. Mais t'sais, là, t'sais. Toi, dans tous les rétros nouveaux, tu dis tout le temps « j'aime les underdogs ». Ouais. Double Dragon, on pourrait dire quasiment que c'est le underdog des jeux vidéo. Il n'y a personne que sa série fétiche, c'est Double Dragon. T'sais. C'est vrai, c'est vrai. Fait. Ben, on va un petit peu découvrir pourquoi aussi, je pense, à travers tous les jeux. Mais quand même, c'est une série très cool, puis on l'aime bien tous les deux. Puis comme tu dis, ça match avec la sortie de Néon. Ouais. Donc, on a profité pour se mettre les mains puis la face c'est là-dedans. Ça, fait qu'on va faire une rétrospective de tous les jeux de Double Dragon, puis à la fin, on va faire la critique puissante pour battre toutes les critiques puissantes de Double Dragon Néon. Oui, absolument. Je me demandais qu'est-ce que t'allais dire. J'ai dit, attends, je suis pas prêt. Non, c'est pas prêt, là. Fait qu'on part ça. On part ça, mon ami. Let's go. Fait qu'on commence ça avec Double Dragon. Double Dragon, c'est sorti en 1987. C'est un jeu qui est sorti à l'arcade pour commencer, sur le Nintendo en 1988, le Game Boy en 90, le Game Gear en 93, le Sega Master System, Atari 2600, Atari 7800, Genesis, Lynx, et je sais pas si j'en oublie, Dominique? Oui. Le Sinclair ZX Spectrum, wow. Le Commodore 64, le Commodore 64 Port 2, Amstrad, Amiga, Atari ST, MSX sur PC, Sega Master System, l'avais-tu dit? Oui. OK, ouais. Mm-hmm. Hey, c'est sorti, c'est pas mal d'affaires. Là. Ouais. Ben, sur iPhone, sur ça, je sais pas ce que c'est, sur Zeebo. Zeebo, c'est quoi, oui, donc, Zeebo? C'est une console qui a comme pas marché. Ça. Ouais, hein? Oh, oui. Ouais, il me semble que j'ai un logo de Zeebo dans la tête. C'est, ouais, je l'ai dans la tête, moi. On va essayer de l'oublier. Fait que c'est bon, de quoi ça parle? Hey, je dis tout le temps ça, moi. Fait que hein? J'ai remarqué que. Ben, j'écoute beaucoup. Je réécoute nos épisodes. Écoute, c'est tellement bon. Puis je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que je dis ça tout le temps. Alors, désolé. Mais ouais, de quoi ça parle, ça? Oui. Ce jeu-là. Écoute, avant, là, je vais finir la fiche technique. Ah, c'est bien important qu'on le sache. Oui. Double Dragon, c'est une série qui est faite, qui est originalement créée par Technos Japan. Mm-hmm. C'est vraiment eux autres les grands génies derrière ça. Le genre, c'est un beat'em up pour le premier Double Dragon, parce que c'est pas tous des beat'em up, on va s'en rendre compte. Et puis, j'ai pour toi un fait amusant pour commencer ça. Le jeu, c'est un successeur spirituel à Renegade. Ouais, absolument. Des séries Kunio-kun. On avait parlé de ça dans l'épisode 12 avec ouais, on avait fait la critique de Renegade. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est un bon jeu, Renegade aussi. C'est un très bon jeu, Renegade. Puis c'est ça, un fait amusant numéro 2. Billy et Jimmy s'appellent Hammer et Spike à l'arcade. Ouais, hein. D'ailleurs, si vous allez sur le billet de cet épisode-ci sur notre blog, c'est cette image-là que j'ai mis comme visuel pour, pour le billet, dans le fond, pour l'épisode. Ils ont ça tatoué sur le bras, là, leur nom. Hammer là, et Spike. Ils ont un cobra. Mais j'avoue que c'est cool. Un dragon sur le fist. Ah ouais. Hammer et Spike, c'est un petit peu plus cool que Billy et Jimmy. T'sais, c'est quoi ton nom, Jimmy? Ben, Billy Lee. C'est Billy. Billy Lee. Billy. Jimmy. Ouais, tu sais. Ah, on s'habitue. Fait que, l'histoire de Double Dragon, c'est Billy et son frère jumeau Jimmy combattent les Black Warriors, un gang. C'est un gang de bombes. Ouais. Pour secourir leur amour commun. La oui, belle hein? Marianne. Ils sont tous les deux en amour avec. Ouais. Puis ils veulent aller la secourir. Fait que tu sais, c'est deux frères jumeaux qui sont en amour avec la même fille. Mm-hmm. Puis. La marde pogne. C'est à partir de ça que Double Dragon est né. Ouais. Mais moi, là, ben moi, je vais parler surtout de la version NES et Sega Master System. Oui, ben c'est les versions auxquelles on a le plus joué. Moi, ouais. C'est la version NES auxquelles j'ai le plus joué. Là. Mais ce qui arrive à la version NES, là, puis je vais spoiler tout de suite. Ben, pas tout de suite, dans deux minutes. Mais il y a quelque chose qui est poche avec la version NES, c'est qu'il se joue seulement à un player. Oui, ça, ça, c'est là, vraiment c'est poche. Un fail total. C'était là, pas t'sais. Comme ça à l'arcade. Non, à l'arcade, c'était les deux en même temps. Ouais. Puis là, attention, je spoil. Quand, à ouais. Double Dragon 1, au NES, le boss de fin, c'est Jimmy. T'sais, tu te bats contre Whoa. Ton frère. Ou du moins, moi, je me suis rendu jusqu'à Jimmy. Là, après ça, il y a un gars avec la mitraillette, puis ouais. Après, il y a Jimmy. Puis là, c'est ça, je me dis, on y pète la gueule, puis c'est réglé. Mais quand tu joues à deux, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à l'arcade, tu sais? Il y a personne. Ben, peut-être c'est le dos de la mitraillette, dans le fond, qui est juste, puis il n'y a pas le restant de l'histoire. Ce qui voudrait dire qu'il aurait rajouté un petit bout de plus, une intrigue de plus à l'histoire, là, ça, je sais pas. Mais surtout au NES aussi, à la différence ben, de tous les autres Double Dragon, c'est que tu pars avec seulement ton coup de poing, ton coup de pied. Ouais, that's it. That's it. Puis pour avoir plus de moves, ça faut que tu gagnes des points. Fait ouais. que le truc, là, puncher, parce que ça prend plus de temps de tuer quelqu'un avec des punches qu'avec des kicks. Donc, ouais. vous faites plus de points. Puis à chaque fois que vous avez un certain nombre de points, il y a un petit cœur qui apparaît en bas. Ah, à chaque vrai. Nouveau petit cœur qui apparaît, c'est un move de plus ouais. que tu gagnes. Donc, très pratique, là. Puis il faut faire ça le plus tôt possible. Puis, à Double Dragon, dans le fond, c'est les moves de base au NES. En tout cas, il y en a une couple qui sont là. Oui. Moi, bien sûr, les moves de signature, c'est les grabs, le hair grab. Ah, là. Ça, c'est écœurant. Ouais, ouais. Tu y pognes les cheveux, là, tu baisses à hauteur de taille, puis là, tu y fourres des coups de genoux mais dans la face. C'était vraiment ça dans Renegade, c'était vraiment ça. Tu sais, ouais. les moves ont tous été originalement dans Renegade. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu pognes par les cheveux, puis tu les lances par les cheveux. Absolument, absolument. Ça, c'est violent, moi. C'est ça. Ben, là, c'est, mais dans Double Dragon, par les cheveux, il y a. Pas sûr, mais il fait un genre de clé de bras, oui. tu sais. Puis, c'est ça, non. Puis, il y avait aussi le fameux jump sidekick qu'on sert vraiment souvent, là. Moi, ça a été Le Dragon Kick de base. Ouais, là. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Je suis pour tuer des abobos, d'ailleurs, là. C'est ça, abobos, t'as pas le choix de faire façon, ça, là. Puis, il faut que tu sois patient, parce que ça en prend des kicks, là. Puis, c'est ça. Dans ce jeu-là, il y a des armes aussi que tu ramasses, des fouets. Ouais. Des quoi, batte de baseball, couteau. Batte de baseball, barre à clous. Ouais. Ça, je pense que c'est un feature comme peu commun dans ce temps-là, des beat'em up, de ramasser du stock pour se battre, le stock qui traîne à terre. Parce que, tu sais, il y a eu River City Ransom, mais il est sorti ouais. par la suite, puis il fait aussi partie de la série des Kunio-kun. Absolument. Fait que, tu sais, c'est un peu. C'est Renegade qui a parti ça, puis après ça, Double Dragon l'a comme popularisé. Ouais. Puis c'était aussi la première fois, à mon avis, où il y avait des tableaux comme ça qui étaient aussi détaillés, où. T'avais vraiment des trappes pour ouais. tes ennemis, chose qui arrivait pas vraiment les souvent. Les jeter dans le vide, là. Ouais, les jeter dans le vide, il y avait pas ça dans les jeux vidéo avant. C'était, non, c'est ça. C'était quand même... Ben, il y a un peu de platforming cool. à Double Dragon, ouais. puis... Il est tough! Il est tough! Parce c'est que ton pas bonhomme n'est pas pour fait ça. Pour ça, c'est ça. Mais ils en mettent pareil. Hey, la maudite forêt, là, les petits billots de bois, ouais, là, ouais, là, le petit pont de rien. Dans le 2, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Ah oui. Puis, non, c'est le platforming à Double Dragon, c'est un vrai cauchemar. Ton bonhomme, quand il meurt, il a l'air comme une espèce de momie qui roche le côté quand il plane dans le trou tout doucement. Là, moi, j'étais frustré quand je jouais ça. J'étais comme... Ben, parce que tes vies sont tellement importantes, parce que t'en as juste 3. Il n'y a pas de continuité à ce jeu-là. Fait quand tu gaspilles une vie à tomber dans l'eau comme un épais, ben là, t'as aussi bien recommencer de suite. Là, tu peux pas, tu commences à perdre tes vies juste à la fin. Là, c'était épouvantable, ça. Puis d'ailleurs, à la fin, il y a un bout où est-ce qu'il y a comme un mur de grosses dalles de béton. Puis les dalles de béton, ils sortent du mur, puis tac, tac, ils te rentrent dedans. Puis ils n'ont pas de pattern. C'est totalement au hasard. Là. C'est ça. Puis un coup de bloc de béton, de même, t'enlèves la moitié de ta life. Fait que si t'es un petit peu plus bas, tu meurs. Si t'es full life, ben t'es à moitié mort. T'sais. Ça n'a pas de puis sens. Puis quand tu te relèves, tu clignotes pas longtemps. Ouais. Tu sais, là, comme tu te relèves, bang, un autre coup de suite. C'est fucking dur pour ça. Là. C'est un vrai cauchemar. Ça n'a pas de bon sens. Puis un autre fait intéressant à Double Dragon aussi, le premier, c'est que dans ce temps-là, le monde n'était pas habitué. Comment que le tableau puisse ne pas bouger. Là, t'sais, genre, c'est pour ça que la petite flèche apparaît pour te dire d'avancer. Ding, ding, ding, parce que mon t'es comme, qu'est-ce que je fais? Faites quoi, man? C'est ça. Non, c'est ça, le tableau avançait pas pour toi. Puis il y avait aussi le fameux glitch dans le premier tableau où tu montais dans le mur, mais tu te rendais pas nulle part. Absolument. Fait que, non, c'est. Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué beaucoup, mais j'avoue que je me suis frustré rapidement. Je l'avais acheté, puis. Tu sais. Une fois que t'es mort à Double Dragon, là, t'as pas le goût de recommencer, ouais, je trouve. Ça. Parce que t'es rendu loin, tu t'es forcé comme un malade pour pas perdre ta vie, puis là, tu recommences au début. Ben, il y a des jeux plus désagréables à recommencer, là. Ben, tu sais, ouais, ça, c'est sûr, là. Ben, c'est le fun, tu sais, de buter le monde, c'est pareil. Le fun. Mais c'est un jeu qui est dur. Moi, j'ai rejoué, là, puis je me suis rendu loin il y a un an, deux ans à peu près, je me rappelle. Un an et demi. Okay. Puis, je me suis vraiment donné, là. J'ai joué. Je crevais, je recommençais, tu sais, je passais plein de temps. Non, tu tapais ça à la tête. C'est ça, à faire les 5 stages, parce qu'il y en a genre vraiment pas beaucoup. Puis j'ai quand même eu du plaisir. Ouais. Mais non, c'est un bon jeu. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Niveau présentation aussi, je trouve ça cool. C'était le premier que t'avais comme mission 1. Puis avec l'espèce de beau tableau qui est là, tu sais. Avec la musique, toute la musique du 1, là, c'est très. C'est tous nos souvenirs sont là-dedans. Oui, oui. Côté présentation, c'est assez fort, là. Il y a un mode combat 1 contre 1 aussi, qui est vraiment plate, là. Tu fais courir d'un bord puis de l'autre, là, tu sais. Les modes combat, de même, je trouve. De beat'em up, là. Même au Super NES, il y en a un pour Turtle in Time, là. Qui c'est qui joue à ça? Ça sert à rien. Il n'y a pas d'aucune technique. Les deux font juste bang, bang, bang, bang, bang. Ça sert à rien. En tout cas, il y a ça là-dedans. C'est la seule façon de jouer à deux. C'est vrai. Mais non, c'est ça. Non, c'est un bon petit jeu quand même. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer la série. Là, c'est vrai. Puis il est disponible sur tellement de plateformes que de toute façon, tu peux l'essayer en masse. Là. Ouais. Sur c'est plate, sur la 3DS, ils n'ont pas sorti la version NES, mais ils ont sorti la version Game Boy. Puis c'est pratiquement la même chose. Ouais? Je savais même pas. Oui, moi j'ai joué récemment, j'ai même joué hier à ça. OK. Puis tu peux jouer à version Game Boy, puis garde, c'est pratiquement la même chose. Là, c'est le même jeu, c'est juste porté au Game Boy. Ah. Puis il joue très bien, ça fonctionne au bout. Double Dragon 2 The Revenge, c'est sorti en 1988, c'est évidemment un jeu d'arcade disponible sur le NES en 1989, c'est encore Technos Japan qui l'a fait, c'est un beat'em up, et puis l'histoire, ben, Marianne, elle se fait tuer par le leader des Black Warriors, ils ont pas niaisé longtemps, puis Billy et Jimmy vont venger sa mort, c'est aussi simple que ça, c'était simple les histoires dans ce temps-là. C'était parfait, mon gars. Ça cassait pas la tête, pas en tout, tu sais. Mais, qu'est-ce que c'est? Non, c'est ça, puis d'ailleurs... Excuse, juste pour revenir, ça a été... comme publié par Acclaim ici, ça? Oui, ça a été publié par Acclaim. Mais souvent, le premier Double Dragon, je vois Trade West. Oui, le premier, c'est après, Trade West. Acclaim. Le deuxième, c'est Acclaim. Le troisième aussi, c'est Acclaim. Après ça, il y a eu beaucoup de Trade West. Ils ont comme réussi à avoir la licence. Oui, c'est Puis ça. Puis après ça, c'est tout le temps les publishers sont un peu comme weird. C'est tout le temps des affaires sketch un peu. Ouais. Fait que, mais bref, moi, Double Dragon 2, c'est mon Double Dragon préféré dans ma jeunesse. Là. Ah ouais, moi, j'ai joué là, des nuits à ça complètement. Absolument. C'était tellement une amélioration puissante par rapport au premier. Là. Juste le fait que, premièrement, ben là, on peut jouer à deux. Oui. Crime, ça, c'est pas négligeable. Tout de suite en partant. T'as tous tes moves tout de suite en partant. T'en as plus même. C'est parce vrai. Que ben, quand tu fais un hair grab, spinning kick, là, la première fois que le spinning kick apparaît, t'as, quand tu as un hair grab, t'as aussi les coups de coude en arrière de la tête, pas juste les coups de genou. Et puis le bon vieux coup de pied dans la face pour y remonter ça. Oui, le coup de genou, Colin. T'as un coup de genou atomique et puis un uppercut atomique. Ça, le monde, c'est touché par exemple les contrôles de Double Dragon 2 au NES parce que quand ton bonhomme il regarde à droite, tu pèses sur B, il va puncher en avant, puis il va kicker avec A en arrière. Puis quand ton bonhomme se tourne de bord, ça s'inverse. C'est ça. Là, tu frappes en avant avec A, puis là, c'est B de l'autre sens. Ben ça, tu vois, c'est exactement comme dans Renegade. Chose qu'il n'y avait pas dans Double Dragon 1. Dans Renegade, tu frappes en avant, si t'as un dos en arrière, tu kicks d'un côté avec ton pied. OK. Fait que c'est vraiment pareil. Même que celui-là, à quelque part, il ressemble plus à Renegade. Ouais. C'est plus comme un meilleur mélange de Double Dragon 1 puis de Renegade. Puis, mais on s'habitue quand même. Moi, ça m'a pas dérangé pendant tout. Mais il y a tous ces moves épiques-là. Dans le fond, le gros coup de genou puis le gros uppercut, tu les fais quand ton bonhomme il saute puis qu'il ratterrit. Ouais. Là, il est un petit peu penché. Puis c'est en te relevant, il faut que tu payes sur A avec par en haut. Genre, le monde, c'est dur. Au début, on le faisait sans le savoir. Ouais. J'étais allé voir sur Internet, puis c'est le même qu'on fait. Puis c'est très pratique. Vrai. Parce que quoi de plus agréable que se relever puis de sacrer un coup de genou d'en face d'un gars, puis il fait bord en bord de l'écran, puis il tombe dans le trou. Mais à ça, bout, ça là. Fait penser justement à un autre Kunio-kun. Ça fait penser à Spike Lee Ball. De Dodgeball. Ouais, absolument. C'est pareil comme Dodgeball. Fait que ça, c'est cool aussi. Puis il y avait le mousse que je trouve drôle comme move. Puis on vient de le voir en regardant les images. Quand il donne un kick après avoir grabé quelqu'un, ton pied, là, il revire quasiment par en dessous. Là. Il y a vraiment la jambe croche. C'est vraiment drôle. Dans ce temps-là, tu sais, c'était pas encore. Ouais, c'était bizarre un peu les sprites. Là, les sprites, c'était bizarre. T'sais, ils ont un super gros corps. T'sais, le haut de leur corps est super grand. Puis ils ont des petites pattes de rien du tout. T'sais. Leur bras est tellement gros qu'ils cachent tout leur corps. Puis en passant, c'est de Billy et Jimmy de Double Dragon que j'ai imaginé ma coiffe que j'ai maintenant tous les jours. C'est vrai, hein? Ouais. Il manquerait juste avoir ça orange. C'est à cause d'eux autres. Faudrait que j'aille ça orange. Mais ils sont beaux, les sprites aussi dans le jeu. La musique est bonne. La présentation était écœurante. C'était visuellement, là, au début, on avait quasiment des cinématiques. Il y a à la Ninja Gaiden, il y a des cinématiques dans celui-là. C'était fort. Ça, c'était les années. Hein. C'est 1989. Fait que t'étais dans Ninja Gaiden, t'en avais déjà eu, je pense, deux déjà. Ouais. Fait que c'est sûr que les compagnies s'inspiraient. Là. Il y a beaucoup de platforming aussi. Il y a beaucoup des petits niveaux, puis beaucoup de platforming dans ce jeu-là. Dont un petit tableau épique qui était dans l'hélicoptère, puis à tout moment donné, la porte elle ouvre, puis elle suce le monde dehors. Ouais. Là, t'sais, t'as deux à bobo à tuer là-dedans, là, t'es comme, t'essayes de les envoyer direct dans la porte. Ça, c'est vraiment un tableau là, épique. Ça. Non, c'était vraiment cool. C'est vraiment. Moi, ce jeu-là, ce que je trouve le fun aussi, c'est que la difficulté, on dirait qu'elle a été arrangée par rapport au premier. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, mais il y a quand même un challenge, tu sais. Ouais. Ce jeu-là, j'ai rejoué, j'avoue que ça fait. C'est pas récemment que j'ai rejoué, mais j'ai rejoué, puis je trouvais que c'était fiable, t'avais quand même un bon challenge, puis t'avais du fun. Dans le premier, t'avais. Ton fun pouvait être gâté un peu par le challenge, le challenge des fois. C'était là. Trop, puis même les trucs de le platforming là-dedans. On dirait qu'ils savaient que c'était pas un platformer Double Dragon, fait que les sauts sont comme plus réalistes, tout est plus réaliste par rapport à ce que c'est. Ouais. Fait que non, moi j'adore. Là. Non, j'adore moi avec. Mais le platforming est pas si facile que ça, par exemple. Non, c'est pas si il y a des facile. Engrenages à un moment donné, des pics, des petites plaquettes qui disparaissent, puis qui réapparaissent, là, puis qui clignotent. Faut que t'atterrisses dessus au bon moment. Là. Oh man. Mega man. Puis il y a pas vraiment de continu à ce jeu-là non plus. Je pense qu'il y en a juste Il y en a un ou deux. Mais après, à partir du quatrième stage, je pense qu'il y a des cheats que tu peux faire pour recommencer au début du stage. Ah, OK. Fait que, allez voir ça d'ailleurs hein, sur Internet. Ouais. Là, si vous jouez à n'importe quel Double Dragon, il y a des cheats pour à peu près tous les Double Dragons. Fait que ça, c'est très pratique. Puis tu peux jouer au début à Warrior, qui est normal. Ouais. Moi, j'ai fait ça. Je l'ai fini. Puis là, ça s'est fini avec moi qui se battais contre un genre de moi mauve, là, Evil Me, là. Mais je sais qu'après ça, il y a un autre bonhomme, un boss de fin violent. Okay. Ben, violent. Il est pas si hot que ça, mais il est fort. Puis je l'ai pas eu. Ils m'ont fait recommencer au début, puis il faut que je finisse le jeu à Supreme Master. Fait que là, j'ai comme, oh boy, là, j'ai slacké un peu. Puis j'ai décidé de changer, là, tu sais, de changer de Double Dragon. Mais, ah non, c'est ça. Mais c'est somme toute un jeu très complet. Ouais. La pochette est belle. Elle est vraiment géniale. La musique est bonne. C'est un excellent jeu, puis il faut l'avoir dans votre collection. Fait que là, on va se mettre à parler de Double Dragon 3 de Rosetta Stone au Japon. Et puis... Puis à l'arcade. Et à l'arcade. Puis USA, Canada, c'était The Sacred Stones. Ouais. C'est un jeu qui est sorti en 1990 à l'arcade. Au NES, il est sorti en 91. Genesis, 92. Game Boy, 93. Je sais pas si toi, t'as d'autres versions, Dom. Commodore 64. Ouais. ZX Spectrum. Ça t'offre, hein, ces vieilles consoles-là. Hey, vraiment, hein? 93, ça commence à être vieux. Mais hein, Amstrad, Amiga, Atari ST sur PC. Genesis, tu l'as dit, hein? Oui. Non, non. D'ailleurs, la pochette de Double Dragon 3 de Genesis est fucking épique, là. Les gars, ils ont l'air de Motley Crue, mon gars, avec des chaînes pis des matraques. Ils sont comme maquillés, ils te regardent les deux dans la face. C'est tordant, mon gars, là. C'est très cool. S'ils faisaient... Pourquoi Seigneur Jésus, ça existe pas quelqu'un qui fait des posters de pochettes, t'sais? Ouais. Moi, je veux une pochette de Phoenix sur Atari, t'sais, un poster de ça dans ma chambre. Je veux Double Dragon 3 Genesis dans ma chambre, t'sais. Je veux toutes ces affaires-là, là. Pourquoi personne fait ça? Je capote. Ils sont où les masters, t'sais, de ça, à l'origine? Qui a fait ces illustrations-là? C'est vrai. Il y a un artiste quelque part qui a ça dans ses tiroirs, là, t'sais. Faudrait les retrouver, là. Ça serait trop hot. En tout cas. Regarde, en tout cas, c'est toujours un jeu de la compagnie Technos Japan. C'est encore un beat'em up et l'histoire, c'est un petit peu plus complexe. Là. Ouais. Là, Billy et Jimmy étaient partis à l'entraînement alors qu'ils rencontrent Iruko, un fortune teller, c'est-à-dire un lecteur de cartes. Puis, il dit aux frères qu'ils doivent aller trouver les trois pierres Rosetta éparpillées dans le monde afin de faire face à Cléopâtre Zombie en Égypte. Dans la version... Ouais, c'est weird. Oh, c'est weird. Dans la version NES, on se bat contre une version possédée de Marianne, reine Noiram. Ouais, c'est ça. Ils mettent son nom à l'envers. C'est ça. Hein, reine Marion. Malade. Fait que c'est ça pour l'histoire. Puis deux faits amusants. Le premier, c'est que c'est le premier Double Dragon à l'arcade auquel on peut jouer à trois. Ouais. Le troisième personnage, c'était Sonny. Ses pantalons étaient jaunes, contrairement à Billy et Jimmy qui sont rouges et bleus. Puis dans la version NES, on commence avec Billy ou Jimmy. Puis par la suite, on débarque Chin Semi, un expert en arts martiaux, et Yagyu Ranzu, un ninja japonais. Ça qui est très cool. Très cool. Et malheureusement, vous ne les verrez jamais parce que ce jeu-là est un des jeux les plus durs de l'histoire du jeu vidéo. Ah, c'est vrai ça. Mais ben, finis tes fun facts. Là, je donne un deuxième. Là. La version NES est populaire aussi à cause d'une erreur de typo dans l'intro. Billy s'appelle maintenant Bimi. Bimi. Bimi. Bimi. Son nom est pas assez poche. Il faut qu'il scrappe. Pauvre gars, pareil. Fait que parlant de ça, Double Dragon 3, toi, t'as... Moi, je viens de finir de jouer à la minute que t'es arrivé tantôt, j'étais en train de jouer à ça. Là. Ouais. Puis, je l'ai eu en fin de semaine. Hein. Là, on est mardi, je l'ai eu samedi. J'ai pas eu le temps de jouer à Ton, mais... Moi, j'aimerais dire, avant que tu dises tes impressions, là, que la pochette de Double Dragon 3, c'était la plus puissante des trois premiers. Ah oui. Tu regardes ça, là, tu te dis, Collins, ça va être le meilleur jeu de ma vie. Ah oui, c'est sombre. Là. Les bonhommes sont. Il y a un ninja qui se bat avec Billy, là, je pense. Là, il se passe tellement d'affaires. Il y a comme la typo en gros jaune. Il y a des dragons entortillés au travers de ça. C'est vraiment malade. C'est Mais le graphisme est très beau aussi. Ouais. Là, C'est juste. C'est plus rempli. Le stance. Le bonhomme, ça, c'est fucking bizarre, mon gars. Il y a comme les deux genoux rentrés au milieu. Ça, c'est dommage parce que ses poings, ça, la façon qu'il tient ses bras, tu sais, ça a plus de bon sens. Là. Ouais. C'est comme boxeur style. Là. C'est vrai. Mais les deux jambes sont comme rentrées, les deux genoux collés. Ouais. Ça fait un peu moumoune, je trouve. C'est bizarre comment ils font ça. Puis le kick est bizarre aussi. Il lève pas. Il est comme sur le côté. Il est sur le côté. C'est vraiment un kick là, de faible. Là, il est en trois étapes. Puis l'animation est comme mal faite. Ouais. Ça prend du temps. Mais le jeu, quand on le mettait dans notre NES au départ, on avait vraiment l'impression que c'était tout simplement le deuxième. Ouais. C'était la même affaire que le deuxième, puis coudonc, ils ont continué sur la même lancée. Mais finalement, c'était pas la même chose que le deuxième. C'était quand même pas mal moins. Je sais pas, on dirait que c'est moins étoffé. Mais les tableaux aussi, sont beaux, dessus. Mais ils sont pas variés. Il y a beaucoup de jaune, tu sais, puis les gypses, c'est sûr, puis tout. Il y a. Je sais pas. Je dirais qu'on dirait que ça avait été fait par une autre compagnie complètement. Ouais. Tu sais, qu'il avait perdu un peu ce qu'il avait monté pendant le premier puis le deuxième. Là, ils ont essayé des choses, puis il y a des choses qui ont réussi. Le fait de pouvoir unlocker des personnages, tu sais, c'est génial. Ça, c'est vraiment ça. Cool. Puis, t'as aussi, dans ton menu, tu peux avoir des nunchucks que tu peux équiper. T'as 5 shots de nunchucks. Tu sais, t'as des armes de même que t'as là, en banque. Donc, ça, c'est très cool aussi. Non, c'est cool. Puis, mais tu sais, le graphisme, il est beau. Tout est un petit peu noirci aussi, mais je sais pas. Même, j'aimais quand même mieux regarder. Ben, c'est aussi beau que le deuxième, là, je dirais. C'est très beau. C'est quand même très beau. Non, c'est très beau, là, comme jeu. Mais c'est moins le fun. Puis, c'est moins le fun aussi parce que les moves sont moins cool que dans le 2. T'as encore le hair grab que tu peux faire à un gars en lui donnant juste un coup de pied ou genre 4 coups de poing. Là, le gars, il plie un petit peu en deux comme dans tous les doubles dragons. Là, t'as les coups de genoux dans la face puis les coups de coude en arrière de la tête. Mais ils ont enlevé le fait de pouvoir prendre le gars puis le garrocher. Ah, ça, c'est très pratique, garrocher un gars, parce que quand t'es pogné en sandwich, c'est pratique, t'es pogné. Garrocher un gars, tu dis, moi, je garrocherais du monde à longueur de journée. Je vais prendre le métro. Tasse-toi de là. J'ai besoin de place. Tu pognes le gars. Tu peux pas lancer le gars, tu sais. Non. Parce que c'est pratique, ça, de lancer un dude sur les autres. Tu sais, les autres, ils revolent quand tu lances un gars dessus. Fait que ça libère, là. Puis là, tu peux souffler un peu. C'est vrai. Là-dedans, tu peux pas. Ils ont regardé le spinning kick, par exemple. Ça, c'est très cool. Mais je trouvais qu'il y avait plus de moves quand même. C'était un petit peu plus élaboré. Non, il y a pas l'uppercut, il y a pas le coup de genou. Pour vrai? Il y a le spinning kick. Puis quand t'as les hair grab, t'as rien d'autre que coup de genou. T'as pas le finish. Tu peux pas garrocher le gars. Tu peux pas lui donner un coup de pied dans la face en finish. Ouais. Tout ça manque. Mais ils ont rajouté un autre move qui est totalement rad. C'est tu sautes, il fait une pirouette par en avant, puis il pogne les cheveux le gars, puis il te le fait spinner. Puis là, c'était gars, cool, c'est ça. Malade. Quand tu réussis à faire ça, là, c'est malade. Mais ça fait pas mal au gars. Ça fait pas plus mal au gars qu'un Dragon Kick. Ça fait juste le lancer plus loin. Ça lance très loin, puis c'est très difficile à faire. Faut que ton bonhomme il soit bien synchronisé, là, tu sais. C'est vraiment pas simple, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une belle récompense quand tu réussis à faire ça. Ouais. Ben, t'es content quand tu réussis à faire ça, tout mais t'as pas de récompense. Check. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas la récompense qui va avec, tu sais. Ouais. C'est tellement difficile, ça fait. Si ça tuait un gars d'un coup, au moins, quelque chose. Ça serait écœurant. Mais là, il y a pas ça, tu sais. Mais je pense que tu pouvais le faire à l'infini. T'avais pas d'énergie ni rien de ça. Non. Ben, une chance. En plus que c'était tellement difficile à faire, personne l'aurait fait jamais, tu sais. Pis c'est drôle, tu sais, je regardais les images, puis les boss sont tout petits, c'est tout des nabos. Ouais, c'est vrai, hein, lui, celui-là, c'est un petit nabo, là, qui donne des petits. Mais des fois aussi, je me demande ça, pourquoi dans les premiers Double Dragon, ils se sont empêchés à grossir les personnages un peu, tu sais. Parce que Double Dragon, c'est un jeu qui se passe souvent en widescreen. Mm-hmm. C'est pas un jeu qui prend tout l'écran, tu sais, même quand t'as des tableaux dans forêt à air ouverte, même si t'es pas à l'intérieur, ça utilise pas toute la hauteur du tableau, tu sais. C'est vrai. Il aurait pu en mettre un peu plus, effectivement. Il aurait pu en mettre un peu plus. Parce que c'est tout le temps même, assez vaste, là, pareil, là, comme univers. Ah, t'as de la place. Mm. Mais ce jeu-là, man, il est dur, là. Ouais. Est-ce qu'il est dur? Parce que, premièrement, t'as rien qu'une vie. t'as même pas trois vies puis pas de continu, là. T'as une vie. C'est plus de tout. Ça, une fait, vie. Une vie. Finis le jeu, mon gars. Let's go. Et en plus de ça, au moins, si les bonhommes t'es fait. C'est dur, là. C'est dur, la vie. Parce que dans le 2, au moins, quand tu donnes des coups de poing d'en face au gars, tu sais, ça réussit tout le temps. Ouais. Mais là-dedans, les bonhommes sont coriaces, là. Ils sont vraiment durs parce qu'ils sont rapides puis ils font des moves combinés que tu peux faire en jouant à deux, d'ailleurs. Ouais. Genre, il y en a un qui saute sur l'autre puis lui, il propulse dans ta face. Ouais. Puis de la minute que t'as pogné un gars, que tu le punches, puis que t'es bien, puis que ça va bien, il y en a un qui arrive à grosse course en arrière de toi, puis dragon kick en arrière de la tête. Puis tu sais, quand tu pognes un gars en hair grab, souvent l'autre il t'attaque pendant ce temps-là. Ah. Tu sais, il te laisse. Puis quand tu te relèves, il te pogne en souricière continuellement. C'est juste ça qu'ils font. Là, oui. Fait que tu marches beaucoup pour les déjouer, puis de faire leur pattern. Quand il te pogne en souris, quand t'es à terre puis il tombe en souricière, tu te relèves, bang, il te retombe, bang, bang, il te laisse pas te lever. Ah, c'est chiant. C'est chiant, ça. Ça, c'est les affaires que les players font, pas l'ordinateur d'habitude, tu sais. Parce que quand tu te relèves, t'as pas de clignotement, tu sais, t'es tout de suite faible, là. Fait que faut que tu t'en ailles du chemin. Mais eux autres, ils te pognent, man, pis ils te gardent à terre pis ils te bûchent comme un malade. C'est vraiment, là, c'est vraiment pas cool. C'est injuste. C'est vraiment pas juste. Puis aussi, il y a des bonhommes au début, on voit pas quand ils sont armés. Ouais. Tu sais, quand il y a un couteau dans les mains, tu le vois d'habitude, mais il y en a qui ont des couteaux, mais on le voit pas, tu sais, il arrive. Là, il est au loin. Pendant ce temps-là, tu bastonnes son ami. D'un coup, il te garoche un couteau. Comment je peux pas voir ça venir? C'est tellement fâchant. C'est vraiment fâchant, là. Fait que non, il est trop dur, ce jeu-là. Ouais. C'est ça qui l'a tué, mais, là. On le voit, il y a un tableau, tableau ici, là. Qu'il y a des... Le tableau avec des bouts de bambou qui sortent du plancher, puis c'est vraiment, encore une fois, fait de façon totalement aléatoire. Ah ouais. Tu peux pas savoir c'est où, puis tu perds juste des points de façon injuste. Mais ça, souvent aussi, c'est une affaire, puis j'ai lu un article là-dessus dernièrement, et ces années-là étaient victimes des conversions de jeux d'arcade qui sont faits pour gagner de l'argent. Fait que les arcades étaient faites pour te faire dépenser des 25 sous, puis les ports étaient faits par la suite sans vraiment penser à ce côté-là. C'est vrai. Que t'avais pas des continues à l'infini, puis que t'étais pas le meilleur au monde, puis que tu t'avais pas des 25 sous sans arrêt. Fait qu'ils ont pas tenu compte de ça, puis c'est dommage. Tu sais, si on joue à un jeu comme, mettons, Smash TV ou Total Carnage, que c'est des mangeux de sous, c'est juste ça, là. C'était fait pour te faire mourir, tu sais. Absolument. Fait que c'est des jeux de même. Tu vois ça, puis tu te dis, OK, ouais, à l'arcade, ça avait du sens. Dans le fond, si j'avais 20$, ben, je pouvais me rendre à la fin, mais sinon, c'était impossible. Ah, t'as tout à fait raison. C'est quelque chose qu'il avait pas compris dans ce temps-là. Pis ça fait très mal, une vie pour finir un jeu qui te permet pas comme ça, là. Pis c'est dommage parce que, tu sais, on regarde des images. Il est beau, ce jeu-là. Le troisième, il est beau. La pochette est écœurante. T'sais, moi, c'est un jeu que. J'aurais aimé l'aimer vraiment là, beaucoup là, tu sais. Mais et il est juste pas fin. C'est comme une belle fille, mais vraiment pas fine. Parler de Double Dragon 2 qui est sorti en 91 au Game Boy. Là, oh yeah! Tout le monde va dire, ben là, vous venez d'en parler de Double Dragon 2, mais c'était pas la même affaire. Non, différent. C'était complètement un autre nouvelle jeu. Histoire. Nouvelle histoire. Et puis, c'est un jeu encore de Techno Japan, c'est encore un beat'em up. Et l'histoire, c'est Billy Lee qui est poursuivi par l'organisation des Scorpions après avoir tué un de leurs membres. On doit combattre les Scorpions et confronter Anderson, un maître des arts martiaux. Oh yeah! Puis là, en commençant le jeu, on peut on voir regarde les images là, puis on voit que c'est très différent. Puis je vois qu'il y a des moves qu'il n'y a pas dans toutes les autres Double Dragon déjà. Exact. Puis je vois que ça me fait vraiment chier que ça soit pas celui-là qui soit disponible sur le eShop 3DS, c'est vrai, hein? Parce qu'il est vraiment cool. Puis c'est ça, deux faits amusants après ce joli rot. Le premier, c'est que ça n'a aucun lien avec la version NES, comme j'ai dit. Ouais. Le deuxième, c'est qu'on peut jouer enfin à deux grâce au Cable Link. Hey, je te jure, j'ai jamais joué, à part à Tetris, à deux au Game Boy avec un Cable Link. Moi, j'avais joué justement à Double Dragon avec le Cable Link. J'ai joué à ça, puis j'ai joué aussi à Mario. F1 Race. Il y avait Mario aussi, tu pouvais jouer à un Mario lequel? Avec le Cable ah, ouais? Link. Ouais. Ah. Fait que non, c'est pas grand monde s'en est servi, mais coudonc. Mais là, j'ai vraiment envie de me l'acheter, moi, ce jeu-là. Écoute, ça, là... Check ça! Excuse, c'était écœurant parce que... Au lieu d'avoir un hair grab, il pogne le gars par le collet. Ouais, et à bout de vie, il crisse des coups de poing dans la face. C'est ça qui est écœurant. Wow. Moi, celle-là, j'ai joué en tabarouette à ce jeu-là. Puis même qu'aujourd'hui, je regrette amèrement d'avoir vendu ce jeu-là parce ben oui. que j'ai encore mon Game Boy original. Ouais. Il marche plus bien, ben, j'avoue. Là, je devrais en acheter un autre, mais... Je vais te vendre mon Game Boy Advance, j'en ai un avant. Papacassette.com. mais c'est ça, mais ce jeu-là, ce Double Dragon-là, il est malade. C'est le meilleur Double Dragon on the go parce que le rythme du jeu puis la rapidité, la fluidité du jeu est ouais. encore meilleur que les jeux de NES. Ouais. Ça paraît que là tu sais, t'es rendu en 91, là, t'as roulé ta bosse, ça fait depuis 87 que tu fais des Double Dragon. Ouais. Puis là, t'es rendu là, hey, il est vraiment fort. D'ailleurs, je veux juste ramener un point rapide au Double Dragon 3 oui. au Nintendo. J'ai joué à deux avec mes chummers. D'ailleurs, okay. on s'est rendu moins loin qu'à tout seul parce que c'est vraiment dur. Puis le jeu, il blink. Il clignote, mon gars. Mais là. On le voyait tantôt des images, ça clignote sans mais arrêt. À deux, là, ça ne fait que clignoter. Juste ça, juste ça, juste ça. Là, je jouais avec mes amis, on se disait... Voyons, ça a passé le test là-bas. Ils ont dit oh, « OK, on teste ça à deux, les boys. » Bon, excellent. On va essayer ces tablettes. Je te jure, c'est impossible. C'est dégueulasse. Ah. Ralenti, ça clignote. C'est un cauchemar. C'est une honte, man, ah, pour les poche. Jeux vidéo. Puis juste, là, tu parles de la version Game Boy qui est super fluide, man. Ouais. C'est encore plus un fail pour le 3 au NES. Là. Ah, ben raide. Puis ce qui est fort aussi dans celui-là, c'est que moi, quand j'ai commencé, tu sais... Je veux dire, en 91, là, j'étais pas vieux, là. Ouais. Puis, ce qui m'a poussé à jouer à deux, c'était pas le fait que je le savais sur la pochette ni rien de ça. C'est que je voyais en bas, t'as quelque chose qui te nargue sans arrêt durant ta ouais, quête. Ouais, c'est vrai. Tu vois le two-player avec pas de points pantoute puis toute son énergie. Fait que tu le vois qu'il y a un deuxième qui peut embarquer n'importe quand. Absolument. Une fois que tu le fais, là, l'expérience à deux à ce Double Dragon-là est malade. Tu peux embarquer sur tes ennemis à terre. Oui, ça, là, c'est fesser, la première fois que nouveau. Ça apparaît, ça. C'est d'ailleurs, c'est je n'ai pas revu ça avant Néon, justement. Non, là, de c'est pouvoir ça. Embarquer, frapper un gars qui est au sol en lance. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Comme je disais tantôt, le grab, le hair grab a été remplacé par un chest grab, ouais. je dirais. C'est vrai. Ça, c'est super cool. Puis il y a les fameux uppercuts ouais. aussi. Ils ont changé les affaires. Puis là, c'est un uppercut. C'est vraiment cool. Ouais. Mais il est beau, là. Oui. Regarde le train. Il y a un métro qu'on voit. Là, les vitres, il y a des reflets dedans. Ouais. Il y a full des ombres partout. Les sprites, ils ont des coupes de cheveux qu'on est capable de bien voir. Tu sais, ça... C'est un beau jeu c'est de un Game beau Boy. Jeu de Game Boy. C'est vraiment... C'est très détaillé. Là, ouais. On est loin de Mario Land. Là. Ouais, ouais, absolument. C'est vraiment tête. Puis il y a plein de dégradés dedans. Puis... La musique que vous pouvez entendre présentement est écœurante. La musique de Double Dragon 2 sur Game Boy, c'est très tight. Moi, ce jeu-là, j'ai juste rien de négatif à moi, dire j'ai, dessus. Moi, j'ai une chose négative. Mais c'est dans mes souvenirs. Fait ouais. qu'en même temps, j'ai hâte d'y rejouer. J'ai pas rejoué depuis des années. Mm-hmm. Fait que tu sais, peut-être que mon opinion est complètement biaisée. Puis finalement, je vais y rejouer maintenant. Que, Peut-être. Je vais me l'acheter puis je te ferai jouer. Ben oui, certain. Mais moi, ma seule chose négative que j'ai par rapport à ce jeu-là, c'est que la pochette est exactement la même que Double Dragon 3 au NES. Ouais, c'est sauf vrai. Qu'au lieu d'être écrit 3, c'est écrit c'est 2. Ils ont photoshopé. Puis ils ont enlevé de Sacred Stones. Oh. C'est tellement plate. Ouais, pourquoi ça, c'est vous poche. Faites ça? T'sais, c'est tellement décevant. Mais c'était souvent ça aussi dans ce temps-là. Ils s'en foutaient de la pochette par rapport au jeu. Oui. On a parlé de ça. Oui. Que des fois, le c'était comme Scat, entre autres, dont on avait parlé. Le gars sur le dessus, il a une moustache de Chuck Norris. Ouais. Il est blond. Puis dans le jeu, c'est Schwarzenegger puis Sigourney Weaver, tu sais. Fait que absolument. Ça comme aucun rapport, les teams se parlaient pas. Non, mais c'est aussi des fois les jeux du NES qui sont portés au Game Boy, tu sais, les pochettes sont comme un peu les mêmes, ou c'est ouais. comme une version, tu sais, comme sacrée là, de même, tu sais, c'est pas... Puis ça a été le cas, là, dans le fond, mais c'est oui. vraiment décevant, tu sais, c'est comme, forcez-vous, là, c'est un tout autre jeu en plus, là, mais vous oui. êtes bien capable d'en faire dessiner un gars, là, c'est pas c'est compliqué, sûr. Ça. Fait que, on s'en fout, là, mais moi, là, ça me déçoit. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte que tu rachètes ça, ce jeu-là, pour que ouais. je puisse rejouer. Ah, ça me l'air vraiment bon. c'était fort. Ouais, quand il pogne le gars par le collège, je te jure que c'est épique. C'était cœur, hein? C'est vraiment violent. Je sais pas si t'as remarqué aussi, mais ses pipes grossissent ouais. quand il tient quelqu'un par le collet, puis il frappe. Ils ont comme voulu faire une extension du bras. C'est vrai. Puis les proportions ont été mal calculées, puis il y a un bras... gigantesque, là, ça a aucun sens, fait que... Mais c'est de même Double Dragon en même temps, ouais. Là, les, trop des muscles sur les muscles, là, pis des affaires pas possibles, là, tu sais. Fait que c'est cool comme ça. C'est ça qu'on aime ça. Ouais. Le prochain, c'est Super Double Dragon en 1992. C'est sur le Super Nintendo, premier jeu de Super Nintendo. Et puis, c'est Technos Japan encore qui ont fait ça. C'est un beat'em up. Et l'histoire, c'est que Billy et Jimmy combattent les membres des Shadow Warriors. Gardons ça. Mm-hmm. Et puis, c'est tout. Il y a juste ça comme histoire. Il n'y a vraiment rien parce que quand tu commences Super Double Dragon, là, tu commences. Suite. Il y a juste pas d'histoire. Il y a pas de Mission 1 ou rien. Non. Ben, ou là, c'est écrit Mission 1, start, ouais. That's it, go, vas-y. T'es absolument. Dans un casino puis tu t'approches, mais tu sais pas c'est quoi le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien. Il y a absolument rien. Puis, deux faits intéressants. Le premier, c'est que c'est le premier Double Dragon qui est pas basé sur une version d'arcade. Ouais. Il est seul là, dans son monde. Ce jeu-là a été créé pour le Super NES et Super Famicom. That's it. Il est nulle part ailleurs. C'est une pièce unique. Là. C'est le premier. Fait que puis on peut sentir quand même le look puis tout ça puis le genre de jeu. C'est comme Combat Tribes. Ouais. Si vous avez jamais essayé là, c'est dans le même genre puis c'est pas mal trippant. Le super fait numéro 2, c'est Muneki Ebinuma. Celui qui s'occupait de la production du jeu a mentionné qu'une histoire et des tableaux plus élaborés étaient prévus. Mais vu le manque de temps, ils ont été coupés. Entre autres, Marianne était une policière dans celui-là, puis elle combattait aux côtés de Billy et Jimmy. Ouais. C'était un personnage avec lequel tu pouvais te battre, ça a tout été coupé. J'aurais aimé ça, jouer avec Marianne. Ben, ça aurait été intéressant, mais je peux te dire, là, je l'ai ce jeu-là, puis je l'ai fini. Super souvent parce que c'est un jeu que tu t'amuses à ressortir parce que c'est pas trop long, c'est pas trop dur, tu le finis parce que t'as du plaisir. Puis ça paraît que c'est pas un jeu, c'est un jeu qui a été comme qu'on a coupé garoché, dedans. Là, ouais. Il y a même pas de fin. Tu sais, il y a un boss de fin tout, mais ça finit après ça, ils font juste mettre du texte. T'sais. C'est très répétitif là, veut pas. Ben, c'est toujours la même chose là, tableau après tableau, puis les tableaux sont longs. Fait que ça paraît. Il manque des choses à ce jeu-là. Il manque des choses, mais moi, quand j'ai vu ça sur un Super Nintendo, j'étais content. Tu sais, c'était comme la... Ouais. C'était une évolution quand même. Puis les sprites, la gravité, ils sont beaux. Ça, j'aime ça. C'est super beau. Il est tellement beau, ce jeu-là. Là. Ah oui. La musique, les sprites, puis l'animation des personnages. Oui. C'est quand tu pognes un gars puis que tu fais une clé de bras pour le faire passer par-dessus ton épaule puis le garrocher, tu vois très bien qu'il rentre son bras en dessous du bras de l'autre. Exact. Tu vois tout le mouvement. Là. Mais c'est ça, contrairement c'est incroyable. À tous les Double Dragons, jusqu'à date, on en parle depuis le début, ça a tout le temps été la faiblesse, les proportions, le corps humain, c'est tout croche. Ouais. Là, c'est même tight, la façon tight, qu'ils tiennent un bâton. Ils ont Il tout le temps ça, cool, karaté t'sais. Style. Absolument. C'est vraiment C'est super bien fait, puis les proportions sont réelles. Puis ils ont rajouté des moves qui sont pas vraiment réels, par exemple. Non, là, mais c'est ils sûr. En ont rajouté beaucoup, dont un genre de move que quand tu sais ton personnage il pogne une stance, puis quand l'autre te donne un coup de poing, tu y pognes le bras. Oui. Là, tu peux soit contre-attaque. Il donnait plein de shots dans la face, ou tu y mets le pied sur l'épaule, puis là, de bord en bord de la tête, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, tu massacres comme ça. Le hair grab est encore là. Il y a le spinning kick qui est encore là aussi. Oui. Et quelque chose de très important qu'ils ont rajouté et qu'ils auraient dû mettre pour toujours dans tous les Double Dragons, tu peux bloquer. Tu peux bloquer ça, des moves. Là, ouais. Parce que faut que tu sois bien timé, par exemple. Ouais. Faut que tu pèses au même moment que le gars te frappe. Puis en même temps, si le gars il te frappe d'un jambe, ton personnage va bloquer automatiquement d'un jambe. S'il te frappe d'en face, va bloquer d'en face. Ça, c'est parfait, là. C'est vraiment cool. C'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. T'as plusieurs sortes de grab, t'as plusieurs armes, les animations sont belles, t'as des blocs, tu sais, c'est comme le combat est super actif. Ouais. Comme c'est pas juste varger, varger, varger, varger. Tu sais, c'est complexe. Là, il y a quand même une variable. Tu sais, il y a des variables, puis c'est ça qui était le fun, c'est que tu pouvais avoir ton... Moi, je jouais avec un de mes chums quand j'étais jeune, puis on avait tous les deux notre style de combat. On avait comme nos moves qu'on aimait refaire tout le temps, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent ça qui est drôle, c'est que souvent, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, t'étais soit kick, soit punch. Ouais. J'aimais un bon mélange des deux, tu sais. Il y avait tout le temps le gars qui aimait frapper au kick pour commencer, puis au punch après. Ouais. Puis non, je trouvais ça le fun parce qu'aussi pour la première fois, les deux personnages ont leur identité. Oui, ils ont une petite identité. Entière, ben, c'est la première fois aussi qu'à la Final Fight, tu vois une image en haut dans le carré de ton personnage. Exact. Avant, on avait juste une live bar, mais là, ils mettent l'image. T'sais, c'est cool. Non, c'est cool. Tu vois que Jimmy, là-dedans, il est comme blond. Ouais. Un peu style Marines, là, américain. Ouais. Fait pis, penser à Guile un peu. Oui, à Guile, absolument. Puis Billy, il est brun, tu sais. Puis lui, tu vois que son punch, c'est un genre de move de karaté. Ouais. Tandis que Jimmy, lui, c'est un genre de punch à la qui boxe, là, c'est justement, vrai. Genre style coup de poing d'en face. Puis sur le cover. Il y a un guard à toutes les fois qui se tient. Et quand ton personnage bouge pas puis fait rien. Il y a une façon différente de se tenir, tu sais, ça c'est cool. Absolument. Puis même sur la pochette, tu vois les deux frères. Ouais. En arrière de Billy, il y a comme des Japonais là, puis ce qui semble être, je sais pas, ses ancêtres, puis genre son background de là où il vient. Ouais. Puis en arrière de Jimmy, il y a genre des street brawlers là, puis des punks de rue. Ah, c'est ça. Fait que tu comprends que les deux ils ont comme un style différent, mais que c'est deux frères pareils. Et ça c'est super cool. Et oui. Puis je trouve qu'ils l'ont jamais assez exploité. Ils l'ont exploité nulle part. Ben les personnages ils l'ont pas exploité. On s'en fout de Billy puis Jimmy. Ben je sais, mais il aurait dû justement les exploiter un peu plus. Puis ça c'est le seul jeu où est-ce qu'il exploite à peine. Ouais, mais il aurait ça. Pu en mettre un peu plus, me semble. Parce que, tu sais, là-dedans, moi, ce que j'aimais, entre autres, ils ont touché à quelque chose dans Double Dragon 2 sur le Game Boy que je trouve qu'il aurait dû pousser sur Super Double Dragon. C'est que je trouve qu'il y avait un côté intéressant dans l'histoire qui est le fait que c'est Billy qui est poursuivi parce qu'il a fait de quoi de pas correct, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça le fun, qu'il y ait comme une espèce de dualité entre les deux. Il y en a un qui est cool, il y en a un qui est pas cool. Ouais. Sur la pochette, il touche à la base de ce concept-là, qu'il y en a un qui est très noble, puis que l'autre, tu sais, c'est un fighter, c'est un wild gun. Ouais, c'est ça, absolument. Ça serait le fun qu'il pousse un peu plus là-dessus, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être qu'il aurait poussé plus s'il n'y avait pas, genre, coupé tout ce qu'il y avait eu à couper, puis qu'il avait sorti ce jeu-là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, le jeu, c'est ça. Ce qui manque, c'est de l'histoire, puis du background, puis des affaires de même. Mais pour le reste, le graphisme, il est hyper lumineux. On dirait qu'il y a des lumières partout. Ouais. Il y a tellement de détails. Ah non, c'est le fun. C'est super beau. Puis ils reprennent aussi beaucoup de musique des autres Double Dragon. Ouais. Ça, c'est puis remixé à la Super NES. Ça, c'est super le fun. Oui. Là. Vraiment. La Super vraiment. NES avait son son vraiment bien à elle. Oui, là, t'sais, comparé aux autres consoles. Puis une autre affaire aussi qui est une première là-dedans, c'est qu'il y a plus que trois ennemis à l'écran. T'sais. Oui, des c'est fois, vrai. Tu te retrouves avec 5, 6, 2, ah, puis oui, t'attends de sacré à voler. Il y en a avec des épées, puis il y en a qui sont comme des clones de toi. Il y a une bonne variété aussi, même. Bon, il y en a des basics qui reviennent toujours, là, mais c'est quand même un peu varié. Là, moi, c'est. Vois-tu, ça, c'est une des affaires aussi que j'aimais. Dans le temps du Nintendo, du Super Nintendo, des fois, on faisait un jeu, pas pour qu'il soit nécessaire, avec une approche réaliste, mais dans le look, l'approche n'était pas réaliste dans le sens que c'était fait pour accrocher l'œil. Ouais. Puis tout était vibrant, les couleurs étaient bright, puis tout ça. Il n'y avait rien de mal à ça, c'était cool. Aujourd'hui, c'est faut que tout soit dark, faut que tout soit gris, sombre, faut que ça soit réaliste le plus possible, mais je trouve que ça, c'est quelque chose de Double Dragon qui semble jamais avoir perdu au fil des années. C'est que c'est tout le temps hyper éclaté d'un couleur, puis brillant, puis la musique, elle est fun. Puis, c'est comme un party. C'est comme un party, Double Dragon. C'est jamais devenu dark, puis triste, puis lugubre, cette série-là. Puis il faut pas que ça fasse ça, tu sais. Puis sortez-moi pas un film Double Dragon, tu sais, genre Batman, là, tu sais. Ça serait peut-être bon. Faites le don, finalement. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. On sait que ça. Les grands producteurs nous écoutent présentement. Ben là. Oui, c'est clair. Ben, prends des notes, Chris Nolan, ça va faire. Mais non, c'est ça. Puis t'as bien raison. Ce jeu-là, il est all about that. Là, la lumière, puis la musique. Puis, mais je trouve que lui, en termes de... on fait le party, on se tape une game, on se casse pas la tête. C'est probablement le meilleur. Ah oui. Totalement. Même quelqu'un qui a jamais joué à ça, mettons, qui joue avec quelqu'un qui a déjà joué, peut faire une méchante long run. Là, ouais, t'as beaucoup de continu aussi, tu vas recommencer. Tu vas te rendre loin dans le jeu là, à ta première game. Pis... c'est quand même drôle, ça sous-sol-là qui a été le plus botché, qui va peut-être au final être le plus populaire auprès de n'importe qui n'a pas nécessairement joué. T'sais. Ouais, le plus populaire pour jouer à un jeu puis avoir du plaisir. C'est t'sais. Ça. Mais au point de vue, genre, légende, tu sais, il est totalement à côté de la coche. Ben là, oui. Mais c'est un underdog, ce jeu-là. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'ont pas joué à ça, puis c'est un très, très bon brawler. Là. Ouais. L'année, c'était 1993, puis il y avait deux séries qui avaient énormément de popularité. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire l'équipe ultime, c'est-à-dire Battletoads and Double Dragon, The Ultimate Team. Malade. Malade, hey, nos cerveaux ont explosé. Quand est-ce qu'il y a eu une autre série crossover aussi épique que ça? Il y en a pas, je pense. Dans le rétro, mettons. Ouais, là, dans le rétro, je pense pas que c'est arrivé. Tu sais, Megaman qui apparaît dans... Non, c'est pas arrivé. C'est assez incroyable. Puis ce jeu-là est sorti... Ça aussi, c'est fort. Parce qu'en 93, là, la NES est en fin de vie. Oui. Ça faisait un bout qu'il était en fin de vie. Oui. Puis il est sorti sur le Nintendo. Il est sorti sur le Super Nintendo aussi. Oui. En même temps, il est sorti aussi sur Genesis et sur le Game Boy. Ben, c'est ça. Les jeux de NES, la fin de la NES, là, c'est souvent ça. Oui. Batman Returns, tu sais, ça oui, sort sur les Nintendo deux consoles. Aussi. Ça fait les deux. Il y a quel autre jeu, donc? Turtles Tournament Fighter. C'est des affaires de même. La version NES n'est jamais aussi hot, là. Non. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'elle était quand même pas pire. Elle était très bonne, la version NES. Puis c'est ça, c'est là, cette fois-là, on change de camp. Là, on n'est plus chez Technos, on est chez Trade West. Ouais. C'est eux autres avec Rare. Ce qui est quand même fort parce que Rare, c'est eux autres qui ont fait Battletoads. Ouais. Dans le fond, c'était une association parfaite. Absolument. Rare qui était, dans le fond, publié par Trade West. C'est un beat'em up. C'est ça, c'est toujours. Trade West qui publiait Rare puis Technos. Ouais. Fait que dans le fond, ils ont mixé ces deux-là ensemble. Exactement. Ouais. Puis c'est ça, l'histoire, c'est après avoir été vaincu par les Battletoads, Dark Queen, qui est dans le fond populaire pour les Battletoads. Qui était également notre cinquième dans notre top 5 des oui. chicks de jeux vidéo. Babe de l'enfer. Ouais. Dark Queen s'enfuit. Quatrième, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. S'enfuit dans l'univers et les Battletoads vont faire la party. Fait qu'après ça, un jour, l'armée est neutralisée puis un vaisseau géant appelé le Colossus émerge. Dark Queen est de retour et veut dominer la galaxie. Allié maintenant avec les Shadow Warriors. Gardons ça. Parce que la Terre, c'est pas assez. Non, ça te prend la galaxie au grand complet. Puis elle, l'autre, elle s'allie avec les Shadow Warriors, tu sais, de Double Dragon, comme vraiment random, tu sais. C'est clair. Après ça, les Battletoads font donc appel à Billy et Jimmy pour égaliser le combat. Ils se sont dit, hey, elle veut faire affaire à leur badass, nous autres, on va faire affaire avec eux autres. Fait que je n'ai qu'un fait amusant pour vous. Okay. C'est le fait que pour la première fois dans toute la série Double Dragon, on n'a non pas un, non pas deux, non pas trois personnages à choisir, mais on a cinq personnages qu'on pouvait choisir. C'était Jimmy, Billy, Zitz, Pimple et Rash. Ouais. Dans le fond, c'était les Battletoads et Double Dragon. Puis c'est ça qui était le fun de ce jeu-là, c'est que c'était vraiment un mélange des deux séries. Puis moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai adoré Battletoads. La série Battletoads, ouais. Je pense. Ouais, j'avais j'ai aimé vraiment, ça. Vraiment pour aimé ceux ça. Qui sont capables de passer le tableau avec le c'est jet. Rushant. Ouais. Mais non, c'est une série super le fun, Battletoads. Puis Double Dragon aussi. Écoute, cette série-là avait tout pour gagner. Là, ouais. Puis ça gagne aussi. Là. C'est, ouais. c'est un bon jeu. Mais tu sais, tu regardes ça, je trouve qu'ils ont retenu tout l'humour des Battletoads. Ouais. Quand il y a un gros boss qui arrive, même si t'as Billy ou Jimmy, ils font comme... Ouais. Puis les yeux leur sortent des orbites. Ouais. Là, pareil comme les Toads, tu sais. Ça paraît que c'est plus... C'est ça, ce jeu-là, c'est plus pour rare les puristes. Que Technos, hein? Mais c'est ça, pour les puristes de Double Dragon, ce jeu-là est pas considéré comme un Double Dragon. Non, c'est vrai. Il est considéré comme un jeu de Battletoads, tu sais. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Quand tu le regardes, c'est pas mal ça, parce que même Billy et Jimmy, ils ont les moves des Battletoads. Ouais. Ils courent comme les Battletoads, ouais. Ils sautent comme les Battletoads. C'est beaucoup plus... C'est ça, l'affaire qu'ils font pas, c'est d'avoir des gros poings qui grossissent, ouais. des gros pieds qui grossissent, on dirait, mais pour le reste, puis c'est ultra rapide, là, tu sais, c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel double dragon. C'est beau, là. Ouais. Mais c'est un bon jeu. Moi, ce jeu-là, j'ai joué vraiment souvent. Je l'avais acheté. Ouais. Puis c'est vraiment un excellent jeu. Là. Comme jeu de party, c'est pratiquement aussi bon que l'autre, sauf que contrairement à Super Double Dragon, celui-là, je dirais que avec quelqu'un qui a jamais joué à Double Dragon, qui joue pas souvent à des jeux vidéo, ouais. il va rusher en tabarnouche parce ouais. qu'il est pas mal plus tough, tu sais. Ouais, ouais, ben il y a beaucoup de choses, hein, des gars ouais. cachés qui lancent de la dynamite, toutes les bas. Il y a encore le tableau de Jet, là, ouais. tellement impossible à faire. mais c'est hyper varié, là. On voit le vidéo runner depuis tantôt, puis à chaque 10 secondes, il y a une affaire, ah ouais, une nouvelle affaire. De nouveau. C'est incroyable la variété qu'il y a là-dedans, là. Mais c'est vraiment, c'était un jeu vraiment bizarre, là. Ouais. Tu sais, il y avait tellement de stock là-dedans, puis tu sais, c'était, moi, ce que je trouvais le fun aussi, c'est ça, c'est que, entre autres, là, on voit un tableau de shooting, tu sais. Ouais. Il y avait vraiment, il y a du incroyable. Shmup là-dedans, tu sais, il y a vraiment plusieurs genres, puis le mix, tu sais, regarde, OK, aujourd'hui, on est peu impressionné par rien. Ouais. C'est un peu triste, d'ailleurs, de notre société. ouais. On est peu impressionné par rien. Puis des fois, moi, je suis émerveillé à Monsieur Net pendant que, tu sais, le monde se dit comme, voyons non, t'es donc émerveillé par les jeux vidéo, Bruno. J'ai encore cette naïveté-là. Il y a encore des choses qui m'émerveillent là-dedans. Je trouve ça le fun. Mais dans ce temps-là, j'étais encore plus émerveillé par juste le fait de voir ces deux personnages-là les deux sont ensemble, man. C'est donc, c'est... Oui, c'est comme un super group, là, tu sais. C'est écœurant. Hein? Tu n'en reviens pas de ça, là. C'est comme un rêve devenu réalité pour un fan des deux séries, là, tu sais. Puis qu'ils puissent faire les moves des deux, tu sais, les deux personnages, c'est vraiment hot. Mais on regarde des images de ça présentement. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, puis je suis comme, c'était un méchant trip weird comme jeu, là. Mais ça, des gens qui l'ont fait, là, ce jeu-là. Puis c'est clair qu'il y a plein d'enfants qui ont rêvé peut-être un jour, tu sais, d'avoir ça. Ouais. Puis imagine, un moment donné, tu reçois ton Nintendo Power, direct sur le dessus, mon gars, Battletoads and Double Dragon. Ah ouais. Quoi? Tu peux pas, tu sais? Oh, c'est vraiment hot. Pis c'est vraiment hot. J'ai comme l'impression que au moment où ils l'ont sorti, c'était Double Dragon qui avait besoin d'aide et non pas Battletoads, parce que Battletoads était au sommet. Je me souviens que quand Battletoads est sorti, on avait vraiment l'impression que c'était le prochain Mario Bros. On avait quelque chose de gros, là. C'était un peu comme Earthworm Jim, puis c'était comme plein de jeux qu'on connaissait et qu'on aimait, mais ce jeu-là, il y avait l'humour, il y avait plein d'affaires. Ouais, il y avait de l'humour cool, qu'on n'avait jamais vu avant, là. T'sais, il y avait vraiment de l'attitude. Ah oui! C'était radical! Ouais, c'est ça, comme les Tortues Ninja, là, tu sais, mais... Fait que non, vraiment, un bon jeu. Puis moi, j'ai bien hâte d'y rejouer. Ben, je serais curieux de rejouer, moi, avec. Là. Si je tombe là-dessus, je vais l'acheter. T'sais. Je vais pas courir après, là, mais c'est sûr que c'est un achat si je tombe dessus. Je pense qu'il vaut quand même un petit peu cher. T'sais. Il vaut pas 100$, là, ouais. mais il vaut pas 5$ non plus. Okay. Ça va être un bon 20$. Je serais curieux de voir la version Genesis. C'est la seule que j'étais très surpris quand j'ai fait ma recherche. J'étais comme, ah ouais, ça a été au Genesis. Ça. Ben, j'ai regardé un peu. Le graphisme est quand même un peu différent. Là. Okay. À Bobo, au début, il est pas pareil et tout ça, mais ça, et je pense qu'il l'a au Game Boy aussi. Ben moi j'ai joué sur Game Boy puis sur Super Nintendo. Hey, sur Game Boy, ça doit être assez moyen pareil. C'est pas pire. Ah, je vois tellement de stock dans l'écran, là, la version Game Boy doit tellement être coupée. Là. Mais non, c'était quand même pas pire. Je vais essayer de le trouver là, au Game Boy parce que... Est-ce que c'est laid? Non, c'est ça, c'était la même affaire, c'était exactement le même jeu. Parce que si tu regardes le premier niveau, là, c'est la même affaire qu'on a fait tantôt. Ouais. Ah, il y a de l'air fluide quand même. Il est quand même fluide, il est assez beau, assez tight. Mais tu sais, les jeux de Game Boy, il y a eu des ports de jeux de NES sur Game Boy assez puissants quand même. Là. C'est vrai. Tu sais, il était capable de recréer la même expérience. La seule affaire, c'est que graphiquement, tu n'avais pas la même chose, mais l'essentiel était tout là. Ouais, t'sais. C'est vrai. Fait que ça a quand même... Du beat. Bon, ben avant de parler du prochain Double Dragon, je tiens à dire qu'on a presque fini nos chips. Malheureusement. Fait que le prochain Double Dragon, et non le moindre, c'est Double Dragon 5 de Shadows Fall. Hey boy. C'est sorti, ouais, en 94. C'est un jeu de Super NES et Genesis. Il est sorti aussi sur Jaguar par Telegram. Excellent! Ouais. Un jeu de Jaguar, parle-moi de ça. C'est Trade West qui est revenu à la barre de Double Dragon. Et puis, c'est un jeu de combat. Ah, et oui. Voilà, le fail. C'était pas la bonne chose à faire. Mais dans ce temps-là, tout le monde faisait des maudits jeux de combat. Parce que c'était la grosse année du Street Fighter. Puis là, tout le monde voulait sa part du gâteau. Tout le monde voulait sortir un jeu de fighting puis essayer de faire la pièce avec ça. Parce que ça vendait au max Street Fighter. Et Clay Fighter aussi. Pit Fighter. Toutes des jeux de merde. Il y en a eu des mauvais, il y en a eu des bons, tu sais. Ouais. Puis ça, c'en est un mauvais, malheureusement. Mais non, c'est pas terrible. Ben, continue. Mais en tout cas, je vais continuer là-dessus. Ça, c'est le combat. Puis aussi, l'histoire, là-dedans, il y a évidemment un mode tournoi, tout ça, mais il y a un mode quête. Puis dans le mode quête, Billy ou Jimmy, dépendant de ce que vous choisissez, s'en vont en mission contre le Shadow Master qui menace de répandre une épidémie. Si on joue en tant qu'un des Shadow Warriors, on compétitionne pour devenir le bras droit du Shadow Master. Fait que c'est selon. Ah. Il y a deux faits amusants sur ce jeu-là. En fait, le premier, c'est que c'est le premier jeu de combat de Double Dragon. Ouais. C'est un jeu épouvantable, uniquement disponible aux États-Unis, puis qui a été fait par des Américains. Ça paraît, mon gars. Ça paraît, puis c'est un jeu qui était... si vous avez joué à ça, que c'est venu, c'est apparu dans votre club vidéo, vous avez eu la chance, vous aviez un club vidéo qui était tight, parce qu'au départ, c'était vraiment juste aux États-Unis. Ah, ce que j'ai lu sur Internet. Le fait amusant numéro 2, c'est les personnages. Les personnages, c'était Billy, Jimmy, puis les Shadow Warriors, c'était Jawbreaker, Icepick, Bones, Sickle, Blade et Trigger Happy. Pas de fucking abobo. Qu'est-ce que c'est ça? T'as bien raison. Abomination. J'avais jamais pensé. Aucun abobo. Aucun abobo. Mais c'est parce que j'ai lu que ce... Un personnage signature. Ce Double Dragon-là était basé sur un cartoon. Ouais. Un cartoon poche. Même que j'avais un des pires cartoons là, de boîte qu'il y avait eu de Double Dragon. Là, moi, que j'ai pas vu, mais j'ai lu ça en tout cas. Fait que de là sortent toutes ces espèces de personnages. Et hey, puis j'en ai d'autres en plus, j'avais oublié. J'ai continue, mon gars, continue. Il y a Countdown, CK, Dominique. Hey, c'est quoi son move à lui, man? Mais c'est une fille, man! Ah ouais? C'est une fille, Dominique. Malade. Dominique et le Shadow Master, OK? OK. J'ai un troisième fait amusant pour toi. C'est qu'en plus des modes tournoi, bataille et quête, il y avait un watch mode, une chose inutile qu'il y avait dans plein de jeux dans ce temps-là, Super Nintendo. Tu regardais deux joueurs contrôlés par l'ordi qui se tapochent. Ça, c'est un peu comme checker les autres matchs à Baseball Stars au NES, ben, à NHL, au Genesis. Tu sais, c'est... Ça fait quand ta vie est vide, tu sais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que premier jeu de combat, moi j'ai jamais joué à ça. Ah non, moi j'ai déjà joué par exemple. En tout cas, en regardant ça, ça me donne pas le goût non plus. Là. Non, c'est très. C'est pas. Tu sais, c'est très. Les moves sont pas fluides comme dans Street Fighter. C'est rapide, c'est entrecoupé. Il manque de frame entre chaque mouvement. Les personnages sont tellement laids, mon gars, là. Tu sais, quand tu joues un jeu de combat, c'est important d'en pogner un que c'est ton gars. T'sais. Ouais, c'est ton Puis là-dedans, là, tu ne peux pas avoir ton gars. Parce qu'ils sont tous de la merde pas possible. Ils ont l'air de des guignols, mon gars. Puis tu sais, mettons, Skull, là, whatever, le squelette, là, j'ai oublié son nom. Là, t'sais. Il y a comme super cool, il y a des lunettes soleil, il y a des Converse détachés. Là, l'autre gars de l'armée, il y a une espèce de bras canon, là. Puis là, ils ont tous des cycles, là. Tu sais, regarde-les, lui. Cycle, il est comme orange et mauve avec un petit bandeau. Tu sais, ils sont tous laids. Oui. Même le boss de fin qui est sur le dessus de la cassette, qui est comme supposé être méchant, il a de l'air d'un cave, mon gars. Lui aussi. Ouais, lui, les gars en background, là, ah, qui font ouais, des moves weird. Tu sais, c'était... Tu le vois que c'est totalement une copie de Street Fighter, puis ça marche pas. Puis je sais pas pourquoi là-dedans, Billy puis Jimmy, ils ont des épées. Ouais, hein? Tout le monde était à point nu, puis tout le monde a toujours été à point nu. Mais là-dedans, par exemple, eux autres, ils ont des espèces de grosses épées Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben pourquoi ils ont des épées? Ils ont pas besoin de ça. Ils sont tout le temps battus à point nu, justement, contre des gars à épées, contre des gars qui ont des guns, contre des gars qui ont des matraques, tu sais. Je sais pas, là, fais-y sortir un couteau dans le pire, tu sais. Mais donnez-y pas, c'est pas un samouraï showdown, ça, là. Il a pas besoin d'une épée, lui, là. Je pense que Billy et Jimmy ont perdu leur confiance quand celui-là est sorti. C'est clair. Comme fuck that, moi j'amène un couteau. Non, ce jeu-là, il est quand même rare, tu sais. Puis il est pourri, puis c'est une vraie honte. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, man. C'est dans très leur tête. Puis d'ailleurs, j'ai lu aussi que ça a été le dernier jeu de Technos. Non! Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Excusez. Ben, ça aurait pu, hein, parce que... Ça aurait pu, quand même, là. Disons que... Ça annonçait la fin, disons. Personne n'a eu de bonus de Noël cette année-là chez Technos à cause des ventes, là, tu sais. Ça, c'est certain. Fait que moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Moi non plus, j'ai joué à ça, là, il y a ça, super là. Longtemps. C'était mauvais. Je le regarde aujourd'hui, ça a l'air pire encore. Ouais. Tout est laid, tout est cheap, tout est quétaine. Ça donne pas le goût. C'est une vraie honte. Ouais, vraiment. Prochain jeu, Double Dragon, simplement appelé Double Dragon. Eh oui. En 1995 sur Neo Geo. Et PlayStation. Oui. Ouais. Le Neo Geo, c'était l'arcade et la console Neo Geo. Puis PlayStation, c'était Urban Plant qui ont fait le jeu. Tandis que les versions Neo Geo, c'était Technos Japan qui l'ont fait. Okay. C'est encore un jeu de combat. Ils n'ont pas compris. Puis là-dedans, l'histoire, il n'y en a aucune. En fait, elle est basée. C'est basé sur le film du même nom. C'est pour ça, c'est vraiment un jeu qui a été fait sur le film. Puis pourtant, c'est drôle parce que il y a 6 des personnages qui sont inspirés du film dans tout le roster. Ouais. Puis les tableaux sont inspirés du film. Fait que c'est toutes des places qu'on retrouve dans le film. Puis même là, on voit un tableau avec une grosse TV en arrière. Ouais. Puis dans la TV, il y a des snapshots du film. Du film, ouais. Des vrais snapshots. Avec là. La bobo dégueulasse. Genre une photo là, du film. T'sais, c'est incroyable ça. C'est fou. Puis le fait amusant numéro 2, c'est que Technos Japan a fait faillite après sa sortie. Mais ouais. C'est le dernier jeu de Technos Japan à vie. C'est pas le dernier jeu de Double Dragon de Technos Japan. Ah ouais. C'est le dernier jeu à vie de Technos Japan. My God. Fait qu'ils n'ont rien fait par la suite. Puis les personnages, je vais vous les nommer. Il y a Billy, Jimmy, Marianne, nouveau, Abobo, excellent. Bon point, Burnov, Amon, Patrick Dalton, Rebecca Brielle, Eddie Jenkins, Cheng Fu, Duke et Koja Shuko. Ça, c'est tout du monde dans le film, ça? Il y en a là-dedans que c'est des personnages dans le film, puis il y en a d'autres que c'est des personnages complètement inventés de toutes pièces. OK. Mais moi, déjà là, je veux dire, contrairement à l'autre, ben, il y a me une donne coche, le goût. Là. Ouh, il y a quand même ça une paraît coche, que c'est du combat de Neo Geo, là. Tu sais, il y a comme. Les personnages, ils sautent haut dans les airs, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de special moves. Ils sont gros, les personnages aussi, sont bien faits. Ouais, ils sont gros, ils sont beaux. Parce que Neo Geo, c'était quand même... C'est la console des jeux de combat. Ouais, là. Ouais, ouais, absolument. C'était vraiment leur... l'affaire la plus cool de Neo Geo, c'était souvent les jeux de combat. Puis je regarde les tableaux, puis c'est quand même assez puissant. Là. Ouais, ouais. Le graphisme, c'est quelque chose. Là. Les personnages sont pas trop laids. Non. Tu sais, ça c'est bien. Ouais. Mais non, moi, j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais eu de Neo Geo. Moi non plus, j'ai jamais vu ça à l'arcade. Puis c'est drôle, sur PlayStation, l'intro, si vous cherchez sur YouTube l'intro, c'est vraiment des bouts du film. C'est plein de bouts du film tout le long. Okay. C'est ça qui fait drôle, c'est parce que tu regardes l'intro du jeu, là, tu sais comme, OK, on va jouer au film, je sais pas trop. T'arrives dans le jeu, puis tu vois aucun lien. C'est vrai. Tu vois aucun lien parce que les personnages ressemblent pas du tout à leur version dans le film. Ouais, absolument. Fait que tu trouves pas aucun lien. Là. Tu fais comme, ben pourquoi ils m'ont montré ça, voyons donc. Puis c'est vraiment peut-être juste même que une quand gamique. Tu joues au jeu, tu sais même pas qu'il y a un film. Mais je pense que le but de ce jeu-là, c'est chercher le médaillon Double Dragon comme dans le film. T'sais. C'est ça doit être mais ça. Mais c'est le seul, ben c'est ce que j'ai lu, mais c'est le seul lien, tu sais. Pour le reste, effectivement, il y a rien qui a rapport avec le film. Mais tu disais peut-être des places, ben les personnages puis les scènes, les personnages puis les places, les scènes, tu sais, comme entre certainement autres, pas celle-là qu'on voit présentement, non, là, dans, on dans pas. Où est-ce qu'il y a des aux chutes Niagara, je mais tu sais, Jimmy, Billy ont été inspirés de leur version dans le film. Ouais. Il y a deux filles dans le film, il y a Marianne qui se ressemble quand même. Il y a une autre fille que je me souviens plus, je pense que c'est Alyssa Milano qui la faisait, avec les cheveux bleachés. OK. Puis elle est dans le jeu, ça y ressemble quand même, tu sais. Fait que c'est pas pire, mais tu sais, je veux dire, c'est comme s'il y avait un jeu qui sortait sur Dark Knight Rise, puis que le méchant à la fin, ben c'est Battletoads ou je sais pas trop, tu sais. Ouais, c'est ça. Y a pas de lien entre les deux, ça fonctionne pas, fait que c'est non. Juste ça, tu vois pas le lien, mais en même temps, c'est un jeu de combat qui a l'air le fun. Ça a pas l'air d'un bon Double Dragon, mais ça a l'air d'un jeu de combat cool. Mais il doit pas être cool parce qu'ils ont fait faillite. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être que ça a bien vendu, mais que c'était déjà trop tard pour Techno. Ben, là, il y avait déjà des gros problèmes financiers, ça c'est sûr, sauf que peut-être aussi que les fans, ils ont fait comme « OK, là, vous avez fait Double Dragon 5, là, l'erreur se reproduira ouais, c'est plus. Ça. Là. OK, prochain Double Dragon, ça va être malade! Mais... Double Dragon combat. » Puis pourquoi... Encore ça, oui. Puis en plus, basé sur le film de merde mais qui oui, est sorti. Ça a été épouvantable. C'est un film incroyablement poche. Puis ce qui est drôle, c'est que ce film-là, c'est pas seulement un navet maintenant puis qu'on rit du film maintenant. C'était un navet dans le temps ouais, aussi. C'est ça. Ça a jamais marché. C'est pas comme les Turtles, mettons, quand on vit ça dans le temps, ouais. On est comme « Oh, wow, man, c'est vraiment le meilleur film au monde! » Puis là, on le voit aujourd'hui, tu sais, comme « Ouais, là, c'est pas fameux, là, mais on reconnaît la joke un peu, tu sais, c'est correct. » Ouais. Mais même dans le temps, c'était pas bon, le jeu, non, le film de Double Dragon, tu sais. Mais... Il n'y avait pas d'espoir. Ah non, puis pourquoi? Ah non, c'est un fail. Il aurait juste ouais. dû faire Double Dragon 6, ben oui. Oublier tout le reste, tu sais, puis comme aller de l'avant avec une nouvelle histoire, puis quelque chose de cool, là, tu sais. Puis si tu veux baser un peu sur un film... Je sais pas, fallait pogner un médaillon à la fin, là, ben oui. Pis niaise pas trop avec ça, je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que ce jeu-là, lui, a été basé sur King of Fighters. Ah, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble vraiment. Fait que, tu sais, ils se sont dit, on va faire un clone de King of Fighters, on va donner des skins qui sont un peu dans le genre de ce qu'il y a dans le film, puis that's it. Ouais, c'est ça. Un snapshot, une intro en vidéo, puis les kids vont triper, tu sais. Mais hein. Ça tendait peut-être à ce que les kids trippent sur le film aussi, puis c'est peut-être... C'est peut-être ça c'est aussi. C'est peut-être sorti un petit peu en même temps. C'est ça, puis peut-être que les gens ont vu le film, ont trouvé ça tellement dégueulasse qu'ils n'ont pas voulu jouer au jeu ou vice-versa. Ouais, ouais, fait ouais. Que, finalement, le film, c'est peut-être ça qui a causé la fin de Technos Japan. Probablement. Est sorti Double Dragon Advance. Au Game Boy Advance. Oui, Game Boy Advance. Seulement. Seulement. Ouais. Ça, c'est Atlus en partenariat avec Million, que je connais pas vraiment, qui ont fait ce jeu-là. Et c'est un beat'em up. Bon, on vient est revenu au bon à. Ouais. Ouais, excellent. On... Mais tu sais, 2003, imagine, 8 ans plus tard. Ah ouais, 8 ans après le, ben ouais, le jeu de fighting de Neo Geo? Exact. Il y a eu une pause de 8 ans pour Double Dragon. J'imagine qu'ils se sont dit, ben tu sais, Technos a fait faillite quand même avec le dernier. On n'est pas ça. Sûr qu'on touche à ça. Puis là, avec le Game Boy Advance, évidemment, c'était le revival de certaines vieilles franchises. Fait qu'ils ont ramené. C'est un remake du jeu d'arcade de 1987, mais il inclut aussi des éléments des suites. Fait que c'est comme une espèce de gros mélange de plein de choses. Double Dragon Advance, c'est un hommage aux Double Dragons. Oh. Ce qui fait que le jeu est quand même assez intéressant. Moi, c'est un jeu que j'avais, auquel j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé. OK. Puis, un fait intéressant, c'est que la pochette, c'est un hommage au film Way of the Dragon avec Bruce Lee et Chuck Norris. Ah ouais? C'est ce qu'on a vu, l'image tantôt des deux gars deux face bonhommes. À face, là. C'est exactement comme la pochette de Way of the Dragon. Wow! Fait que c'est vraiment un hommage au film de combat, au jeu de combat. Puis tu pouvais jouer à deux, évidemment, sur celui-là, avec encore une fois un link cable. Puis c'était un double dragon, là, tout ce qu'il y a de plus classique, là. Les sprites sont plus hauts, hein? Oui. On reprend vraiment un style arcade là-dessus, je trouve. Oh oui, tu le vois que ça a été inspiré du jeu d'arcade. Puis, ouais. Si vous regardez les images sur YouTube, t'sais, YouTube, c'est gros tout ça. Imaginez que l'écran est comme 4 fois plus petit, là, ça lookait en tabarouette. Ouais, ouais, c'est clair. C'était vraiment sharp comme jeu. Là. C'est c'était vrai. Beau. Puis c'est un jeu qui est fluide, sauf que tu sens, contrairement à quand les personnages sont un peu plus petits, tu sentais justement que ton personnage était peut-être trop haut, trop long. Fait que quand tu t'envoyais un qui allait par-dessus ta tête ou tu faisais des moves, c'était bizarre des fois quand tu lançais le monde. C'était pas aussi fluide. OK. Mais le jeu est super le fun. On a vraiment l'impression de jouer à Double Dragon 1, mais aussi un bon mélange du 2 et aussi du 5e, pas okay. nécessairement du 3e. J'ai pas senti. 5e, le jeu de faire. Pas du 5e, excuse-moi, de Super Double Dragon. Ouais, OK. Qui est dans le fond, en fait, le 4e. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, bref, c'est vraiment un bon jeu. Moi, il n'y a pas une tonne de choses que j'ai à dire là-dessus. Surtout que la dernière fois que j'ai joué, c'était sûrement en 2003-2004. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu bien du fun avec. J'ai joué à deux aussi. C'était super le fun. Puis c'est juste un bon jeu. Des fois, vraiment... si vous trouvez ça, c'est très fort. Il y a vraiment un look arcade. Là. C'est ce qui ressemble plus au jeu d'arcade que j'ai vu de tous les jeux qu'on a parlé ce soir. Oui, c'est vrai. Mm. Puis en passant, si ce jeu-là a été fait vraiment, là, comme on dit en anglais, là, from the ground up, ça a été fait, là, ils sont repartis à zéro. Ouais. Puis ils sont inspirés de tous les jeux qui avaient été faits de Double Dragon. Puis ils se sont dit, on en fait un nouveau, puis c'est un hommage. Mais quand tu commences le jeu, t'as vraiment l'impression d'être dans Double Dragon 1. Ouais, c'est ça. Tu gardes comme cette espèce de vibe-là, puis il y a même des cinématiques. Il y a des cinématiques qui sont quand même vraiment belles. Hein. Ouais. Les bonhommes sont... sont des hot. Illustrations. Les illustrations sont belles, puis on dirait qu'ils ont repris aussi les petites scènes de quand l'émission commence au début du 1, là, tu sais, avec le freeze frame. Oui, c'est la même c'est chose. C'est très cool, là. Ça. Fait que non, bon jeu. Cherchez ça, puis trouvez ça. Ça a d'allure. Yeah! Maintenant, je vais vous parler de Double Dragon qui est sorti en 2011. Pourquoi il est sorti en 2011? C'est parce qu'il est sorti sur iPhone. Oh! C'est Axis Game qui ont fait ça. Puis c'est un remake du premier jeu. C'est la même histoire. Par contre, c'est pas un port direct. Il a été tout refait complètement. Du graphisme au système de combat, vraiment tout a été refait. Okay. Puis ce que Axis Game voulait faire avec ça, c'était tout simplement là, un revival du premier. Il voulait vraiment qu'on se rappelle la bonne vieille expérience qu'on avait eue. Puis il y a quand même beaucoup d'amour qui est allé dans ce jeu-là. Dans l'illustration, des cinématiques là, sont vraiment super beaux. Là. Puis le gameplay est excellent. Ah oui? Moi, j'étais sûr que ça allait être une merde pas possible. Là. Non, c'est pas une merde pas possible. Puis je vais t'expliquer mon affaire. Ce qui fait que ce jeu-là, malheureusement, peut pas être aussi puissant que les autres, c'est que tu y joues pas avec une manette. Ben oui, c'est ça, c'est clair. Parce que les moves sont écœurants, le jeu est hyper fluide, les personnages sont variés, t'as vraiment le feeling de Double Dragon 1, mais t'as l'impression d'un Double Dragon 1 pas mal plus puissant. Là. T'sais, c'est plus rapide, puis c'est juste pas mal plus tight. Là. Puis le système de combat... c'est plus avancé, t'as beaucoup plus de moves. Il y a que beaucoup de moves là, depuis tantôt, je vois ça, il en fait pas mal. Ouais, puis dès le départ, là, t'attends pas, tu fais plein d'affaires. Une des affaires que j'ai moins aimé, c'est que les contrôles, sont à l'écran, mais c'est... Ça prend le tiers de l'écran. Hein? C'est ça, ça prend littéralement le tiers de l'écran. Ça, j'ai trouvé ça poche. J'étais comme, ah, fuck, tu sais. Quand tu joues sur un iPad, c'est pas trop pire, mais quand tu joues sur un iPhone, là... Oh, boy, ton bonhomme doit être vraiment petit, là. C'est tout petit, tu sais. Puis moi, un brawler, excuse, mais je veux jouer avec on des vrais pitons. On veut voir ce qui se passe aussi, comme tu dis. Fait, tu sais, c'est vraiment un jeu... Moi, ça, là... Je l'ai acheté, j'ai joué, j'ai bien aimé ça, mais je me disais, un moment donné, ça va sortir pour l'arcade. Ouais. Bon, un support pour l'arcade, puis là, à ce moment-là, je vais vraiment triper. Parce que sur l'arcade, en plus de ça, il y a 6 boutons. Ouais. Fait que, tu sais, là-dedans, t'as comme 4 boutons de combat. Fait que je me dis, ben, regarde, j'ai 4 boutons, ça va pouvoir le couvrir, tu sais. Fait que si jamais ils sortent un port pour ça, un moment donné, là, ça va être malade parce que c'est vraiment un bon Double Dragon. Là. Ne le sous-estimez pas. Puis, si vous avez besoin d'un quick fix, vous êtes dans le boss. Téléchargez ça, c'est vraiment un bon Double Dragon. Ah ben. Mais la facture visuelle est vraiment belle. Les illustrations, ouais. Là, pas pendant que tu joues, mais dans les cutscenes, là, ouais. vraiment ça accroche. Comme disent les jeunes. Ah, les jeunes. Ah, c'est jeune. Mais non, c'est tête. Ils ont même réinventé justement un bobo. Ouais, que, c'est ça. Non, c'est un bon jeu à ne pas sous-estimer. Mmh. Hey, on a oublié de faire Double Dragon Sega Master System. Ben ouais. Mais Double Dragon Sega Master System, c'était pas le même Double Dragon que le premier? Oui, exactement. C'est ça. Parce exactement que la même mentionné, affaire. Je l'ai mentionné, mais tu sais, je me disais... Ben, c'est parce que j'y ai joué, fait que c'est pour ça que je voulais en parler un peu, là. Oui. J'y ai joué, je l'ai fini. Je suis tellement bon en jeu vidéo. J'ai fait un cheat au 4e niveau. Hey, pas le choix. C'est exactement la... Ben, exactement. Pas exactement, non. Mais beaucoup semblable au premier, au NES. Okay. Sauf que c'est laid au Sega Master System. Ouais. Tout est jaune. Tout ce qui est... Les shadows sont tous orange, tu sais. Ça fait vraiment comme hamburger, là, comme c'est couleur, bon. Là. La musique est douteuse, tu sais. Ton kick, il se rend pas. Il n'y a aucune portée. Il kick, comme on dirait, directement à la verticale. Fait que t'as le pied, t'arrives sur le bord de la tête. T'as aucune portée, tu sais. C'est vraiment pourri. Les moves sont un petit peu étranges aussi, tu sais, de la façon qu'il faut... Excusez-moi, la bière, qu'il faut que t'es fasses. Fait que non, j'ai pas aimé ça, là, mais pas en tout. Là. Puis tu as joué sur quoi? Tu as-tu joué sur un Game Gear? Sur Sega Master System. OK. La vraie affaire, les vraies manettes. Ah, c'est vrai, Sega Master System, pas Game Gear. C'est ça. Le 8-bit. Oui, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça reprend un peu les mêmes stages, la forêt. Est-ce que, d'après toi, c'est plus basé sur la version d'arcade que ben, sur la je version sais pas. NES? Peut-être. Parce j'ai l'impression d'arcade, que peut-être que oui. Tout est long, puis les personnages aussi, les kicks sont un peu weird. C'est vrai que les sprites sur l'arcade, les personnages sont faits vraiment en hauteur. C'est long en tabarnouche. Puis sur console, ils sont plus petits. Là, les... ben, puis t'as beaucoup plus de panorama autour. Là. Parce que les arcades, souvent, l'écran était fait sur le haut. Ouais. Fait que tout était fait en conséquence. Si on se souvient, mettons, du premier Street Fighter, là. Ah oui. Hey, les bonhommes sont grands en tabarnouche. Ils sont hauts, puis quand ils sautent, ils ratterrissent vite. Eh oui. ça va super mal, là. Non, j'aimais pas ça, moi. Ça coulait pas bien. Mais c'est ça. Ils reprennent une couple de mêmes gimmicks que dans le premier. C'est pas les mêmes tableaux exacts. Mais mettons, il y a un bout où est-ce qu'il y a encore les tuiles de béton qui sortent pour te frapper comme un malade. Puis aussi, ce qu'il y a de cool, c'est qu'au début, comme dans Double Dragon 1, le dude qui s'en vient pour donner un coup de poing dans le ventre à Marion puis partir avec, le boss de fin est là aussi avec sa mitraillette. T'sais. Fait qu'on le voit là tout de suite en partant. Colin. Je trouvais ça cool que cool, ça, le boss exemple. Il descende dans la rue avec ses minions là, comme support moral. Là, c'est ça. Mais il a les yeux rouges là, puis il a une mitraillette. Il est vraiment evil. Là. Mais il est pas trop dur, là, par exemple. Okay. Tu fais tout le temps les mêmes affaires. Ouais. Donc, c'est plate, t'sais, parce que tu fais tout le temps les mêmes moves pour t'en sortir. C'est ça. C'est pas très... ça arrive pas à la cheville du NES, là, je trouve. Mais ça joue à deux en même temps. Puis, tu sais, t'as des avantages, là, quand même. Mais overall, là, celui du NES est supérieur, à mon goût, en tout cas. Bon, ben, coudonc. Alors, c'est fait. Mieux. rendu à la critique de Double Dragon Neon. Eh oui, le tout dernier Double Dragon qui est sorti. Il vient de sortir, ça fait genre 2 semaines. C'est sorti sur PlayStation Network puis sur XBLA. Ouais. C'est un jeu de la compagnie WayForward. Oh yeah, compagnie qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup. Et puis c'est un remake du premier jeu. C'est la même histoire, sauf que tout a été refait de A à Z. Le système de combat est nouveau, les power-ups, la musique, le graphisme, vraiment là. Les tableaux aussi. Les tableaux, là, tu sais, on repart à neuf, mais c'est... L'idée, dans le fond, c'était un peu de faire l'hommage le plus kick-ass qui existe. C'est un hommage totalement kick-ass à ce qu'est Double Dragon. Ils ont repris le meilleur, tu sais, le coup de poing dans le ventre de Marianne en partant, puis les autres qui s'en vont avec. Toutes les petites. Ce qui annonce les tableaux. Là, après ça, le tableau, il part. Tu sors de ton garage où est-ce que ton char est parké. Les classiques, là, les. Les mêmes, c'est tellement hot, les mêmes personnages que dans le 2, qui arrivent en roue latérale. Ouais. Ils sont habillés pareil, ils ont la même coupe de cheveux, puis ils arrivent encore en roue latérale. C'est-tu que c'est drôle? Mais ils ont donné vraiment une vibe des années 80. La musique, c'est de la musique des années 80, mais c'est de la nouvelle musique. Oui. Mais vraiment avec un son 80. Ils ont repris les mêmes tracks de Double Dragon aussi pour certains tableaux. Puis, mettons, pour le tableau 2, ils ont comme mis une track des années 80 complète. Je sais pas ce que c'est le band, mais c'est toute la musique qui a été faite pour vrai? Un jeu. Oui, oui, c'est pas c'est génial, mon gars, le soundtrack. Parce que, c'est de la musique, là, trop hot. La musique était écœurante. Puis un peu ce qu'on disait tantôt, justement, le fait que c'est hyper coloré. Puis, tu sais, ils ont pas appelé cheesy, ça néon pour rien. C'est cheesy, mais années 80, rose néon au max, là. C'est vraiment hot pour ça, là. T'embarques dedans tout de suite, tu sais. Moi, ça m'a fait capoter, là. C'est ça qui frappe au début. Puis, parce que tout ce qu'on avait vu des trailers, ça avait l'air assez sombre, tu sais. Puis j'avais peur que ce soit un jeu lugubre, tu sais. Ça avait l'air trop simple, je trouve. Ouais, c'était comme juste un autre brawler bien simple, tu sais. On va se faire avoir, tu sais. Puis au contraire, le système de combat, entre autres, le fait que là-dedans, tu collectionnes des cassettes audio. Vont te donner c'est comme des sensei, finalement. Ça va te donner de la magie. Des pouvoirs, de la magie. Mm. Parce que t'as comme deux slots là-dedans. Il y en a une que tes cassettes vont te servir à ton mouvement spécial que tu peux faire. Ouais. Ça, il y en a 8 à peu près? Ouais, il y en a 8. Puis les autres 8, c'est pour ton habilité. C'est comme ton Il y en a un qui booste tes stats, un qui booste genre ton pouvoir, ta force quand t'as des armes. Ce genre d'affaires là qui sont toujours équipées là, tu sais. Ce qui est drôle aussi, c'est que chacune de ces affaires-là a un nom. Sa musique! Puis a sa musique, genre, mettons, il y en a un qui s'appelle Absorb, c'est comme Absorb the time you will. Là, tu sais, c'est vraiment une toune des années 80, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est le spinning kick, là, que t'équipes là-dessus, là. Oui. Puis quand tu l'équipes, c'est He's a maniac! He's a maniac! Je capotais, mon gars, c'était tellement cool. Tellement drôle, ce jeu-là. Ben oui. Vraiment comique, là. Il est super comique. Quand tu finis un stage, ton dude, ça reprend la musique de quand tu finis un stage à Double Dragon 2. Là, il fait au hair guitar, tu sais. Là, il pique en sauvage, là. C'est trop, hein. Puis le boss de fin là-dedans, il s'appelle Skullmageddon. Il est drôle, là. Son dialogue est drôle. Sa voix est drôle, là. C'était comme genre de Skeletor vraiment... épeurant, mais tu sais. J'ai pas fait de recherche, mais j'ai l'impression que c'est la même personne qui fait de Monarch dans Venture Brothers, qui est une série animée que j'adore, là. Si vous connaissez, vous allez savoir de qui je parle. Il est pareil, c'est vraiment la même voix, là. Puis c'est drôle, des fois, ton bonhomme, il fait rien. Ouais. Puis, genre, il tente, genre, il dit comme Ah, what are you waiting for? Ben oui! Are you scared? You're scared of the big guy? Tu sais, pis il est vraiment, il est mourant, là. Puis quand t'es dans son tableau, dans un genre de vaisseau spatial, sa face apparaît dans un TV. Là, tu te mets à casser les TV, pis il dit Hey! Arrête de briser mon stock! That stuff is expensive! Ah non, il était carré. Puis le système de combat, il est vraiment deep. J'ai vraiment trouvé cool. Tu sais, il y a une affaire que j'ai trouvé super tough, puis on te l'apprend dès le départ, puis c'est à dodger. Je réussis toujours pas à dodger. Mais je suis rendu quand même assez loin dans le jeu. Mais c'est dur. C'est la clé, man. Ouais. Moi, je l'ai fini le jeu, puis si t'apprends pas à dodger, tu réussiras pas. Ouais. Parce que faut que tu le fasses au bon moment. Puis dès quand il le fait au bon moment, ça y donne du power tout de suite. T'as comme une espèce de dragon qui apparaît en dessous de tout. Puis là, ouais, c'est ça. Ça te booste au bout, tu sais. Absolument. Fait que, puis c'est drôle. Des fois, OK, ton bonhomme, il pogne une clé pour pouvoir ouvrir une espèce de cabine, tu sais. Ouais, un genre de petit sanctuaire, là. C'est ça, une espèce de petit sanctuaire. Pis c'est drôle juste pour montrer à quel point ils se prennent pas au sérieux puis que ce jeu-là, c'est pas fait pour les kids. Si tu mets la clé dans quelque chose qui a pas rapport, mettons une poubelle ou un mur de briques, ouais. Il dit comme « Ah, what the fuck am I doing? » Il dit « Fuck? » Oui. Ah ouais, pour vrai? Puis c'est ça qui est drôle, c'est tellement random parce que c'est la seule fois où il va sacrer, tu sais, les personnages sacrent pas là-dedans. Ouais, t'sais. Non, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment fort. J'étais comme, ah, tu sais, il y a plein de petits détails comme ça. Puis tu sais, t'as life là-dedans parce que t'en ramasses finalement. Ouais. Finalement, un double dragon qui te donne de la life. Il y a un double dragon qui te donne des chances un peu. Mais c'est ce qui te donne ta life aussi, vu qu'on est dans les années 80, ouais. Genre, c'était un 2 litres de coke, là, parce que la liqueur noire, c'est trop cool, là. Ça, j'ai tellement. C'est vraiment drôle, puis ce qui te donne l'énergie aussi, c'est des batteries. Ouais, c'est ça. Des batteries du racine. Des batteries, là. T'sais, ça fit tellement. Fit, moi, hein. J'ai joué à deux à ça. Ouais. Puis quand tu joues à deux, tu peux te passer de la life en ouais. Faisant des high-fives. C'est là, les gars, ils se high-five. Ils se high-five en sauvage. T'sais, ils ont des moves de high-five là, trop hot. T'sais. C'est vraiment cool. Drôle de les faire. Puis c'est pratique aussi parce que tu peux les faire peu importe t'es où dans l'écran. Ouais. Fait que s'il y en a un qui est coincé à un bout et l'autre qui est coincé à l'autre bout, ben là, high-five. Là, les bonhommes les vont jumper dans les airs et tac, ils vont se taper les mains. T'sais. Ça, c'était hot. Puis aussi, à deux, ce qui est un très gros avantage, quand il y en a un qui est knock-out, qui est mort, qui a plus ouais. De life, il meurt pas tout de suite. Il reste sur le ouais, dos. Puis l'autre, il peut y aller, le sauver. Il va le raviver. Puis pour le raviver, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il y a comme une cassette qui apparaît, puis là, il y a comme un crayon qui rentre dans le trou de la cassette. Puis là, non. Faut que tu spins la cassette, faut que tu rentres le ruban dans la cassette, puis ça fait le bruit. Là. Ah ouais. C'est tellement hot, c'est faut que t'ailles vite. Cool. Puis en plus, quand tu le fais, ben, tu sais. Après ça, l'autre bonhomme, il se relève full life, tu sais. C'est payant, là. C'est vraiment bon de faire ça. C'est génial. Mais moi, d'ailleurs, là, tu parles du jeu à deux. C'est un de mes plus gros points faibles pour ce jeu-là. Il n'y a pas de mode en ligne. Ouais. J'aurais vraiment aimé ça, moi, pouvoir jouer en ligne, mettons, t'appeler chez vous puis me taper ben une oui, game avec toi ben le soir, oui. Tu sais. Parce qu'il se fait bien à deux jeux-là, oui, pareil. J'ai joué, j'imagine. Moi, j'avais joué beaucoup. J'ai joué avec un gars qui avait jamais joué pantoute. Oui. Puis à deux, t'es capable d'en faire un bon stretch pareil. Oui, là, oui. Fait que ça, mais moi, tout seul, quand j'ai commencé, là, je faisais péter à gueule, ben, mon c'est gars. Ça. J'étais pas capable de finir le premier tableau. Mais là, tu finis par prendre le beat. Puis le combo aussi. C'est... Moi, il y a un élément... Moi, mon point faible de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de grab. Il n'y a pas de hair grab. Il n'y a pas de hair grab. Parce qu'il y a t'as un grab, mais tu fais juste pogner le gars et le garrocher. Oui. That's it. Mais moi, je voulais que quand le gars il soit comme semi-essoufflé, comme dans toutes les oui. Autres, puis là, tu le pognes, tu lui sacs des coups de genoux d'en face, oui. La base là, de tous les deux oh, dragons. Oui. Puis il l'a pas dans ce jeu-là. Fait que ça m'a vraiment vrai déçu. Ça manque terriblement. Au pire, juste comme... C'est ça, là. Ben ouais, tu peux le garrocher, mais tu peux pas le garrocher. Non, non, c'est sûr. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça m'a tellement fait de la peine. Mais le jeu, en tout cas, graphiquement, il est vraiment écœurant. Là. Ouais. Le look, je le trouve vraiment cool. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que les tableaux sont super variés. C'est vraiment, ouais. Là, c'est comme un espèce de gros quest qui a pas de bon sens. Ça a pas d'allure. Tu te ramasses dans l'espace tout de suite au deuxième ouais. Tableau. Après ça, t'es dans la forêt. Après ça, t'es dans un laboratoire. Ouais. Ça a vraiment pas de bon sens. Moi, j'ai c'est vraiment aimé la bataille contre l'énorme tank. Là. Oui. Il y a un espèce de gros tank à 5-6 ben, étages. Cette espèce de gros tank-là rappelle un peu l'espèce de gros tank qu'il y avait... excusez. La bière passe du crush. Qu'il y avait à Double Dragon 2. Ouais. Dans, au stage 4, je pense. Qui était un oh, tank oui. Qui faisait tout l'écran ben, avec un bonhomme ça. En haut. C'était un rappel de ça. Dans le premier tableau, il y a un convoyeur. Où est-ce ouais. Que tu peux lancer un abobo en bas. C'est vrai. Fait qu'un rappel de ça. Puis, dans Double Dragon 2, le fameux tableau épique où est-ce que l'hélicoptère aspire le monde vers l'extérieur. Eh oui. Ben, il l'a là-dedans exact. Aussi. Mais sauf que t'es dans l'espace. Puis, il y a une porte qui s'ouvre dans l'espace, finalement. Puis, ça socle le monde dehors, ouais. Tu sais. Fait qu'ils ont ramené les tableaux cool puis des éléments cool de d'autres Double Dragon, tu sais. Fait que c'est trop hot pour ça. Puis, veux pas aussi, quand t'es coincé puis ça avance pas ton affaire, il y a du farming dans le jeu-là. Ouais. Tu ramasses du cash. Puis avec ton cash, tu t'achètes des cassettes. Oui. Puis parce que, mettons, tu pognes les cassettes, tu les ramasses. Tu pognes la cassette, mettons, du Fireball, tu sais. Oui. Tu peux en pogner de jusqu'à 10. Puis plus que t'en ramasses, plus qu'elle est forte. Oui. Puis après ça, quand tu tues un boss, il te donne du platinum. Puis là, avec le platinum, tu vas faire platiner tes cassettes par le... Comment il s'appelle, donc? Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars. Cassette Smith, là, l'espèce de forgeron de cassettes, là, tu sais, qui n'a pas rapport. Mais lui, il te permet d'augmenter jusqu'à 20 ton power de cassette. Fait que là, tu continues de ramasser des cassettes demain. Fait que quand tu meurs, tu gardes ton cash. C'est ça. Fait que tu refais le tableau, tu ramasses du cash, Mais c'est souvent ça, c'est de même que j'ai réussi à le finir, le jeu. Parce qu'au début, tu sais, au début... C'est ça aussi, en même temps, faut dire. Le jeu, il faut pas se décourager au premier tableau. Non, faut continuer, il faut être persévérant. La joie de ce jeu-là, elle se passe tout après le premier tableau. Ouais. Tu sais, le fun, le premier tableau, mais une fois que ton personnage commence à débarrer des affaires, puis t'as tes power-ups, puis aussi quand tu réussis à avoir le choix de tes power-ups, tu sais, un moment donné, t'es là, puis tu es comme, ok, choisis-tu le fireball, le spin kick, est-ce que. Parce que t'es change en jeu, il y a des boss que ça mérite de prendre la fireball, puis en jeu, des fois, t'es mieux avec ton spin kick parce que t'es constamment entouré. Exact. T'sais. Fait que, ça, c'est le fun parce que tu peux changer n'importe quand. N'importe pas obligé d'attendre le début ou la fin du niveau. Absolument. Fait que non, c'est. Puis tu peux acheter avec ton argent aussi des extra life. Oui. Tu peux acheter du Pepsi Clear. Oui. pour te redonner de la life. Trop hot. Fait que moi, au début, je rushais beaucoup justement au deuxième tableau. Ouais. Skullmageddon est comme déjà là. Puis il est quand même assez dur, je trouve. Il est assez puis top. Après ça, tu le revois sûrement plus tard. Je me suis pas rendu. Ouais. Mais je me suis acheté genre 4 vies d'extra. Puis sont pas trop chers. Ouais. Fait que j'ai pu finir le tableau comme ça puis continuer ma quête là, tu sais. Mais non, parce que tu peux une fois que tu arrêtes le jeu, tu peux continuer au tableau où tu étais arrivé. Ouais. Fait que tu commences pas au départ là. Non, ça c'est absolument ça c'est donne cool. Des chances. Une autre affaire que moi j'ai vraiment pas aimé, mais c'est pas un gros problème. J'ai trouvé que les indicateurs d'énergie étaient énormes. Moi, ça m'a pas dérangé, ça. Ben, moi, ce qui m'a dérangé, entre autres, là, c'est que les crimes, quand tu joues pas à deux, l'indicateur d'énergie est là, pareil. Du deuxième, il est là. Ouais. Il prend de la place pour rien, tu sais. J'avoue. Fait que ça, j'avoue que ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, du reste, ce jeu-là est impeccable. Ouais. Là, c'est vraiment... Il est très, très, très humoristique. Écoute, t'as un bouton rien que pour faire du breakdance. Oui. Ça te sert à rien, là. Mais tu l'as, tu sais. C'est carré. Puis, tu sais, mettons, dans le tableau de l'espace, t'as comme un petit son de Way Forward, là. Oui. Puis là, c'est Skullmageddon qui appelle à l'intercom, tu sais, genre, OK, toutes les geishas, présentez-vous, tu sais. Tu sais, c'est tous des petits clins d'œil, puis c'est rempli de petits twists de même, là, vraiment très, très hot. C'est vraiment écœurant. L'interface, il est beau, tu sais, les dessins, tu sais, des personnages, ils sont vraiment beaux. Puis quand t'es Game Over, t'as un genre de twist à la Ninja Gaiden là, Ninja Gaiden comme, Arcade. Puis Final Fight aussi, t'es enchaîné, là, puis là, Skullmageddon, il veut te crever les yeux, là, tu sais. Là, t'as ton frère qui arrive. Ton frère qui arrive, qui te sauve. Qui empêche les deux doigts. Puis tu sais, c'est trop drôle, les personnages d'autres de base, là, tu sais, qui font des roues latérales, là. Puis quand ils réussissent à faire une roue latérale, puis à te kicker, là, ils disent comme « Gymnastics! » Le gars est comme « Yeah, gymnastique! » C'est tellement drôle. Puis un quand ils tuent ces losers-là, quand ils réussissent à te tuer, ils ont tout de quoi à dire. Elles c'est comme il y a des filles avec les fouettes qui reviennent, là, tu sais, puis là, ils sont full dominatrix, là, avec les gros seins, puis tout. C'est comme « Ah! Beat me! » Tu sais, puis ils ont tout comme une gamique, là, tu sais. Ça, c'est très drôle. C'était écœurant. Moi, je me souviens d'un moment particulier où t'arrives, puis il y a un dude qui check dans le trou, un espèce d'épée. Ouais. Il check dans un trou, puis fait comme « I wonder what's down there. » Puis là, t'es juste en arrière, puis tu te kicks. C'est tellement plaisant. Ah ouais, tu te garoches en bas, rien que pour le plaisir. Mais non, c'est vraiment hot. Puis rendez-vous à la fin, puis terminez-le, parce que la toune de la fin, malheureusement, je la mettrai pas dans cet épisode-là de Rétro Nouveau, parce que vous venez peut-être de commencer le jeu, vous voulez pas avoir aucun spoiler. Mais grouillez-vous, parce que je vais finir par la mettre dans le tableau, parce que ça s'en vient facilement. Ma meilleure toune de jeu vidéo là, est trop écœurante. Ah ouais? Là, parce que elle est drôle. C'est la meilleure toune quand t'as fini un jeu. Okay. Parce que c'est une toune à propos d'avoir fini un jeu, de se sentir awesome, puis que ton ennemi, il se plaint de tout ce qu'il voulait faire dans le fond pour réussir dans ce jeu-là, puis qu'il a pas réussi parce que tu viens de le battre. Fait que c'est comme la plainte de l'ennemi, puis le fait que toi t'es awesome, c'est écœurant, là. Tu sais, tu ris au bout, puis tu ris du moment où tu finis le jeu, puis jusqu'au dernier, le tout dernier plan du jeu, il est épique. Ah ouais? Fait que, non, terminer le jeu, malheureusement, c'est ça, je peux pas. Parle-moi-en pas, là, j'achète. Je te le dirai pas, mais elle est vraiment écœurante, la fin, c'est super drôle. Puis, moi, c'est ça, ce qui est le fun, là, des fois, tu sais, on parle de jeux vidéo, puis ouais. Tout ça. Quand tu regardes des images de jeux vidéo, puis t'en parles, puis là, c'est, ça te démange d'y rejouer, là. Oh, ouais. Moi, ça, c'en est un. Ah oh, ouais, j'ai envie de jouer maintenant, moi, avec, là. C'est en fait, j'ai toujours envie de jouer, puis même quand je me faisais péter la gueule, tu sais, j'avais envie d'y retourner pareil pour continuer de m'essayer, là, tu sais. Ah non, il était écœurant. C'est un party, man. C'est complet, là. La musique est bonne, le graphisme, c'est des souvenirs mélangés à des Christie de bonnes idées, tu sais. C'est. Il est fun, là. Il est solide. Là. Puis il est combien là, 10$? Il est 10$. Il est 10$, puis il est gratuit pour les membres du PlayStation Plus. Ben fait oui. Que si c'est quand même pas négligeable. Absolument. Ben écoute, c'est un 10$ super bien investi. Ah, c'est, là, écoute, c'est écœurant. Moi, c'est ça présentement. Je suis en train de jouer à Darksiders 2, qui est un méga quest immense. Puis des fois, j'avais plus le goût de jouer à Double Dragon ben ouais, Neon parce clair. Que c'est trop fort. Là. Oh, oui, absolument. Fait que non, c'est écœurant. J'étais ça tout de suite. Ah oh, oui, vraiment. Bon. Hey, on va terminer ça avec ce qu'il y a eu d'autre de Double Dragon parce qu'ils ont fait des apparitions ailleurs aussi. Ouais. Il y a eu des produits dérivés. OK. Entre autres, dans Super Spike V-Ball au NES, ouais. On peut choisir Billy et Jimmy. Ah, c'est un bon team de beach volley, ça. Mais ça coup de genou dans le ballon. Dans WWF Superstars à l'arcade, Billy est un des spectateurs. Quand même. C'est cool. Dans River City Ransom au NES, le thème de Double Dragon joue durant la bataille contre Randy et Andy. Ah. Deux personnages qui étaient inspirés de Billy et Jimmy. Ok, c'est hot ça. Les personnages Ryuchi et Ryuji, qui sont dans le fond Randy et Andy, c'est des habitués de la série Kunio-kun, dont on a parlé évidemment dans l'épisode 12. Ok. Il y a aussi dans le jeu Voltage Fighter Gauzeiger de Neo Geo, Burnov, qui était dans Double Dragon sur Neo Geo, et le combattant du Captain Atlantis à la fin. Sac. Fait que c'est pas rien. Si vous avez joué à tout ça. Si j'avais joué aux 5, entre autres, tu sais. Il y a aussi Rage of the Dragons. Oui. On s'en parlait tantôt sur Neo Geo. C'est un hommage non officiel à Double Dragon. OK. Parce que les personnages principaux s'appellent Billy et Jimmy Lewis, mais il n'y a pas de lien avec Double Dragon. Mais ils ont l'air, mais c'est pas soutenu par Double Dragon ni la licence Double Dragon, c'est vraiment un hommage. OK. Il y a eu aussi un comic book. Il y a eu une série de comic books qui a été publiée par Marvel Comics en 1991. OK. Il y a eu 6 numéros en tout. Ah ouais, ça n'a pas été long. Pas grand-chose. Il y a eu une série de dessins animés. La série Double Dragon a duré 2 saisons, 26 épisodes, qui s'échelonnent de 1993 à 1995. Dont le 5 devait être basé sur les personnages du 5. Là, ouais. Ils viennent de cette série-là, je pense. Puis, quand même, ça serait pas un épisode de Double Dragon sans qu'on parle du film. Eh bien, pour résumer, le film Double Dragon était épouvantable. C'est sorti en 1994 et ça a été réalisé par James Yukish, qui est plutôt reconnu pour son travail. Pour sa fine cuisine. Non, mais moi, check bien le fun fact ici parce que j'ai été très surpris d'apprendre ça. Il est reconnu pour son travail dans le monde du vidéoclip. Il a travaillé avec Genesis, Phil Collins, Iron Maiden, Pat Benatar, Debbie Gibson, New Kids on the Block et David Bowie, pour en nommer que quelques-uns. Wow. C'est pas un deux de pique, puis il a fait un film de merde. Ouais, c'est ça. C'est un deux de pique du film. C'est un as du vidéoclip. Ça, il a fait des bons vidéoclips. Puis ça aussi, on en a parlé dans l'épisode 12. Puis moi, je vous conseille fortement, après avoir écouté cet épisode, de vous retaper l'épisode 12. Parce qu'on a parlé de la série Kunio-kun en lien avec Renegade. Et on a parlé des Double Dragons. Puis c'est quand même toute une série. Oui, absolument. Puis c'est ça, on a parlé du film Double Dragon. On avait parlé aussi des films de jeux vidéo dans cet épisode-là. On aurait pu faire un épisode complet juste sur le film Double Dragon, tellement man, c'est pourri. C'est mais sûr et certain. Louez-le, tu sais, vous allez avoir un genre de plaisir si vous aimez les films poches. Oh man, c'est épouvantable. Ouais. C'est vraiment mauvais. Fait que, en tout cas, fait que c'est ce qui conclut. Ça conclut notre spécial de Double Dragon. Hey! Bon, il me semble que je joue tellement des jeux Double Dragon depuis deux semaines. Là, ouais. Ça va faire drôle de jouer à d'autres choses. Ça n'a pas arrêté. Non, ouais. Moi aussi, puis je fais plein de recherches sur Double Dragon. Ouais. Ouais, cette série, mais... On a appris beaucoup, par exemple, puis on a eu du fun. Ouais, on a eu bien du fun. Puis moi, Neon, c'est devenu un incontournable, même des jeux vidéo, pas juste de Double Dragon. Là, c'est fort, c'est ce vraiment, jeu-là. C'est vraiment une réussite. Ah ouais, si vous voulez, si vous en voulez un au NES, c'est le 2 que ça vous prend. Oui. Au Game Boy, ça semble être le 2 aussi, oui. Dans les choses plus faciles à trouver. Fait que allez-y avec ça. Je pense que ça doit être disponible sa Virtual Console, ça, peut-être. Pas le deuxième. Pas le 2? Non. Le 3? Il l'était... Remarque, non, peut-être sur la Virtual Console. La Wii, là, sur la Wii, ouais, ouais ça c'est se peut. Ça. C'est vrai, ça. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier, mais moi, regarde, je pense que je le commande officiellement, le c'est deuxième, bon. Là, pour le prochain Nintendo. Que je trouve, c'est le tien. Yes! Bon, ben écoute, merci tout le monde. C'était bien cool de faire un deuxième spécial sur une série, finalement. Certain. C'est arrivé un peu par hasard, hein, en même temps. Ouais, on l'a pas... Castlevania aussi, ça avait été ça. T'sais, on avait décidé ça la semaine d'avant, puis d'ici qu'on l'a fait. Exact. Donc, c'est ça. On a vu beaucoup... On s'est amusé à vous demander... essayer de deviner la série sur Twitter... Puis là, tout le monde, bon, Mega Man, Mario, Mega Man, tu sais, Zelda, je sais pas. En même temps, je trouve que c'est des grosses séries qu'on connaît tous, tu sais. Ouais. C'est le fun de parler des affaires qu'on connaît un peu moins. Ouais, c'est vrai, fait ça. Que, pour ça, j'ai bien aimé faire Double Dragon. Ouais, puis moi, regarde, je vais répondre la même chose que j'ai répondu à un gars sur Twitter. Mega Man, tu sais, je suis un fan fini de Mega Man, mais... la série Mega Man compte jusqu'à ce jour 46 jeux et dans le livre des records Guinness comme la série de jeux la plus importante, la plus grande. Ok. Fait que si on fait un spécial de Mega Man, il va peut-être durer à peu près 4 heures. Ouais. Puis en termes de recherche, ça va peut-être nous prendre un mois. J'ai vraiment pas le temps de faire autant de recherche. Vraiment pas, tu sais. Fait que oui, on va peut-être y toucher, mais peut-être que ça va être une version Redux. Ouais, ouais. Vraiment très concentré. Là. C'est ça. Ça va peut-être être nos meilleurs. Bon, on devrait, ou peut-être juste l'ère du Nintendo, du Super Nintendo. Ouais, peut-être c'est qu'on va se concentrer juste plus sur Man, les Mega Man X, mettons. C'est ça. Je pense pas que les fans seraient bien contents d'avoir rien que ça aussi. Certain. On verra. On verra, mais les spéciales, c'est super le fun à faire puis c'est sûr qu'on va en faire d'autres. Pis, ouais. Anyway, on se revoit la semaine prochaine. Oui. L'épisode 37. Ben, attends un peu. La semaine prochaine, ça. J'annonce officiellement que je vais rénover mon salon ici. Après. ça va se faire, là. Okay. C'est en planification. Là, on est au mois d'octobre, puis j'ai mon bébé en janvier. Il faut que ça soit fait avant. Ben, en effet. Fait que je risque d'être out, là, d'un réno, puis tout croche, là, pendant un bout. Bon, ben, écoute, je sais pas c'est quand, mais. Peut-être dans deux semaines. On vous tient au courant là-dessus, là. On check ça. Mm. De toute façon, au pire, allez, s'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, vous écouterez l'épisode 12. Ben oui. Ou l'épisode Castlevania. Ou le podcast All Star si vous ne l'avez pas encore écouté. Oui. Ou l'avant-dernier épisode de Pays Légendaire parce que je suis dedans. Eh oui, Colin. Ou les saisons de Claudine. Ok, salut. Salut.